Ça va t'enregistrer du coup. Ouais, alors la proposition ce serait peut-être pour les estivales 2007. En espérant bien sûr que les estivales 2007 existent aussi bien, au minimum, voire mieux, bien sûr. Ce serait que dans le planning, s'il y a admettons qu'il y a 5 journées ouvrables, pour parler comme ça vite fait, avec 2 demi-journées, ça fait 10 demi-journées, donc 10 temps de rencontre, hein, 10 temps formels. Mais peut-être que sur les 10, un qui serait laissé pour que chaque personne, dès le premier jour, puisse proposer un temps qui serait, mettons, de, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ou que chacun puisse, s'il le souhaite, exprimer son action ou ses propositions. Présenter ce qu'il fait ou ce qu'il a envie de faire, c'est ouais, ça ouais. C'est une bonne idée. C'est peut-être quelque chose qu'on peut aussi organiser ici. C'est une bonne idée. Ça serait bien que ce soit en concentré dans le programme de l'année prochaine, qui est en effet une demi-journée qui soit consacrée à la présentation des actions de chacun. Ou des idées de chacun, des idées de chacun. Une sorte de tour de table, quoi, en fait. Oui, c'est clair. Présentation de chacun. L'expérience que j'en ai, c'est que si chacun, on parle à notre tour de ce qu'on fait, ça va être très très long. Et donc les premiers vont être écoutés, et puis les derniers ne seront pas écoutés. Mais par contre, pour obtenir le truc là, c'est de se dire qu'à chaque début de conférence, il y a 3 personnes qui parlent de leur action et du coup, tout le monde aura pu s'exprimer et aura été écouté. Et voilà, parce que ça appelle pas forcément à débat derrière. Par contre, il peut y avoir une demi-journée après pour débattre de stratégie et tout ça, ce qui avait été discuté aussi à un moment. Il y en a qui avaient envie de parler de stratégie, de communication et tout ça. Voilà, mais si on fait tout d'un coup, enfin, je suis sûre qu'à la fin, les derniers sont pas écoutés, quoi. Personnellement, je trouve. Toi, tu proposerais que, par exemple, pour l'année prochaine, à ce moment-là, on fasse un truc comme ça, avant chaque truc, un petit... Ouais, les gens qui ont envie de présenter ce qu'ils font ou ce qu'ils ont envie de faire, ouais, en parlent. Ce qui permet même, si on sait ça, quand on a envie de présenter quelque chose, d'amener avec soi, je sais pas, les affiches qu'on a réalisées ou quoi, et de les présenter à ce moment-là. Mais ça prend, je sais pas moi, un quart d'heure, une demi-heure au début de chaque conférence. Ouais, parce que déjà les conférences elles ont tendance à commencer tard et à s'étaler. Donc c'est vrai que si on prend encore. C'est à voir quoi. En tout cas, c'est à noter. On pourrait essayer de commencer à l'heure aussi. Parce que là. Ah oh. Hey. Je tiens, bon, je dis là. Avant de commencer, je voulais demander pour la nourriture de midi, comment ça va se passer? C'est en train de cuire et ça va être prêt d'ici un moment. Comment c'est? Les pommes de terre qui sont en train de cuire là. Ouais. Et puis donc, il faut leur y aller après. Combien de temps ça met, les patates comme ça, à voulu pareil pour cuire? Longtemps. Longtemps, mais je pense que c'est assez long quand même. Pas tellement, parce que le moment où l'eau commence à chauffer, mais ça peut être long que l'eau soit chaude. Ouais. Il y en a pour une heure et demie au minimum et 3 heures au maximum. Moi, dans une demi-heure, je vais voir oui, qu'elle est en train de patate. cette fois les pas d'amis. C'est une réalité. C'est un projet qui vient. Mais non, mais si ça Oh mais non, mais non. T'as vu que tu joues. Bon. Du coup, on commence. C'est qui joue. Non, du coup. Alors en fait, le sujet a été proposé parce que Bruno l'année dernière disait qu'on n'abordait jamais le problème des rapports aux animaux familiers et à la domestication en général. Et puis, moi, ça m'intéressait aussi un petit peu. Et du coup, on a un petit peu travaillé, surtout Bruno, le sujet, mais de façon complètement séparée et sous des formes assez différentes. Et on a décidé d'aborder effectivement le thème des animaux familiers, du rapport aux animaux familiers, les chiens par exemple, mais en l'abordant pas de façon centrale, mais à travers la notion générale de domestication. Alors en même temps, c'est pas un truc très fouillé ce qu'on a fait, c'est plutôt un truc rapide pour lancer des pistes de discussion sur ce qu'on a essayé de dégager quelques problèmes de façon un petit peu théorique, enfin je sais pas si ça va très vite être très pratique en fait. Et donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait déjà parler de la notion de domestication ou de la réalité de la domestication en général et puis ensuite essayer de voir dans quelle direction ça rayonne. Voilà. Ouais, avec Bruno du coup. En fait, oui c'est ça, moi je. Bon, apparemment on m'a beaucoup dit que c'était un sujet qui était à peu près aussi polémique que la prédation ici, donc je m'étais plutôt dit qu'on. Sur les trucs polémiques, c'est intéressant de partir sur des définitions, sur comment d'autres gens parlent. Donc en fait je vais commencer par. Pardon. Ouais, si jamais quand je suis stressé, j'ai une tendance à me mettre à murmurer et à accélérer quand je parle, donc faut pas hésiter à me le dire, je ralentirai et j'essaierai de parler plus fort. Et donc je me suis plutôt intéressé à comment comment les scientifiques parlent eux-mêmes de la domestication en fait. Et jusqu'à une dizaine d'années, il n'y avait pas beaucoup d'écrits là-dessus, on peut dire. Enfin en ce moment j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Il y a notamment des anthropologues comme Digard qui se sont mis à l'étudier sous l'angle de l'anthropologie. Parce que ça existait, il y avait de l'ethnobotanique, mais il n'y avait pas encore d'ethnozoologie. Et lui, enfin voilà, c'est un domaine qu'il a beaucoup développé, qui se développe beaucoup depuis 10 ans. Alors qu'avant, il n'y avait que la conception des zootechniciens, on va dire, qui est pour le coup très, très, très orientée, voire la plus spéciste qui soit, mais lui aussi en fait. De toute façon, la domestication se définit de manière spéciste, puisque. En tout cas, Digard, lui, il l'a défini comme l'action que l'homme exerce sur les animaux qu'il possède. Même plus largement, il y a certaines notions qui vont jusqu'à dire que c'est toute relation de l'homme avec l'animal. Donc c'est déjà donner un caractère particulier d'une relation, on va dire, interspécifique. Ce serait déjà comme presque si c'était anormal comme relation. Je vais beaucoup me baser sur un article que j'ai trouvé dans une revue de l'INRA qui s'appelle Production animale, qui est particulièrement aberrante. Celle-là, je crois qu'elle était consacrée aux poissons. Et à l'élevage du poisson, qu'on appelle pisciculture. C'est par un mec qui s'appelle Bernard Denis, qui est ethnozootechnicien. Donc là, c'est même pas de l'ethnozoologie. Lui, il étudie carrément le discours de la. Tu peux définir ethnozootechnicien ou zootechnicien La zoologie, c'est simple, c'est juste la branche de la biologie qui s'intéresse aux animaux. Donc ça va de la génétique moléculaire animale à l'éthologie. La zootechnie, la définition, c'est la science qui s'intéresse à l'amélioration des animaux domestiques. Okay. Ce qui est une conception assez délirante, quoi. Enfin, on appelle ça eugénisme autrement, hein, okay. Tout simplement. Mais c'est à peu près interdit par l'homme depuis quelques temps. Interdit mais pratiqué. Bon, j'y reviendrai à ça très simple. Et l'ethnozootechnie, donc, c'est l'anthropologie ou l'étude des... L'anthropologie, moi. Bon, l'étude des différents rapports suivant les cultures. C'est ça, c'est l'étude des aspects culturels de la zootechnie, quoi. Qu'est-ce que ça porte comme, comme symbole et comme sens symbolique, on va dire. Et donc, oui, donc, y a un, donc ce monsieur-là, il s'est... Ce monsieur. Donc, Denis, il s'est intéressé aux différentes... justement, il a fait un article qui s'appelle « La domestication, un concept devenu pluriel », où il s'intéresse justement au changement de définition. Mais on va voir que c'est très concret pourquoi il s'intéresse à ça, en fait. C'est directement lié aux lois de protection de la nature qui s'appliquent aux animaux non domestiques. Et en fait, ils se sont aperçus que les définitions des zootechniciens sont très, très restreintes. Et ça les embêtait un petit peu parce que les lois de protection de la nature pouvaient s'appliquer à des espèces qui étaient en élevage intensif. Donc voilà. Donc lui, il commence son article d'abord par constater que c'est une, donc c'est qu'il n'y a pas de définition univoque, qu'elles sont vraiment très très, qu'elles sont vraiment très très différentes. La définition la plus restreinte, ce sera la définition courante qui assimile l'animal domestique à l'animal familier. Mais même étymologiquement, ça correspond parce que pas faire beaucoup de trucs en latin, mais enfin voilà, ça, domestique, ça vient de domus, la maison, et donc c'est l'animal intégré à la maison, et l'animal familier, c'est l'animal intégré à la famille, et que au début de la domestication, enfin c'est assez récent qu'on a séparé les élevages de, qu'on a séparé les élevages des lieux où les gens habitaient, enfin même en France jusqu'en 1960, là, il y a beaucoup de, je sais pas si vous, dans la région de Briançon par exemple, il y a encore toutes les maisons rénovées, c'est deux grands étages. Et l'étage du bas c'était les animaux, l'étage du haut c'était les habitants. Donc de toute façon ça, c'est quasiment synonyme animal familier et animal domestique. Donc la plus restreinte ce serait l'animal familier, et la plus large ce serait toute relation avec un animal qu'on possède. En fait. Et donc lui il a surtout développé la conception des zootechniciens et la conception élargie des anthropologues, notamment Digard, donc qui le définissent comme la relation avec un animal qu'on possède. Alors sur la zootechnicien, en fait, ils retiennent 6 points. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent par dire qu'ils ne s'intéressent pas particulièrement aux objectifs de la domestication. Dans tous les écrits là-dessus, ils font jamais aucune différence entre si l'animal est utilisé uniquement pour la compagnie, uniquement pour les œufs, ou s'il est abattu. C'est pas un truc qui les intéresse. C'est assez clair. Donc il le met directement dans sa définition qu'il ne s'intéresse pas à ça. Le second point, les zootechniciens, en fait, ils vont considérer comme... c'est très spéciste dans le sens où il s'agit de faire un partage du monde entre des espèces qui sont domestiques et des espèces qui ne le sont pas. Donc la zoologie définit les espèces domestiques comme celles qui ont été modifiées morphologiquement, enfin à tous les niveaux, morphologiquement, physiologiquement, comportementalement, par la domestication. C'est simple. Ensuite, ils définissent cette domestication, ils la définissent pas comme un phénomène continu, le fait de vivre ou d'élever un animal, mais comme une action ponctuelle dans le temps. Par exemple, ils vont dater la domestication du chien à moins 12 000 avant Jésus-Christ, le lapin c'est beaucoup plus récent, c'est au Moyen-Âge, enfin, c'est un truc qui est situé dans le temps et dans l'espace. Ils retiennent aussi le fait que comme ils ont échoué à domestiquer certaines espèces vraiment, il y aurait des aptitudes à la domestication. Mais ça, il n'y a pas de partage entre les deux. Enfin, c'est surtout que... Donc en fait, il n'y a que 26 espèces qui sont pas... qu'aucun zoologiste conteste le caractère domestiqué. Ce qui est vraiment très très peu. Je peux les lire rapidement. Il y a deux types de canards, il y a les oies, il y a les poules, les pintades, les dindes, les pigeons... les cobayes, les lapins, les chiens, les chats, les chevaux, les ânes, les porcs, les chameaux, les lamas, les alpacas, les rennes, les zébus, les yaks, les buffles, les moutons et les chèvres. Et il n'y a pas de classification zoologique, il y en a qu'on rajoute une dizaine, notamment le poisson rouge, l'abeille ou le ver à soie. Mais il n'y a que ces 26-là qui sont considérés comme strictement domestiques. Et ça, on le verra plus tard... c'est des classifications qui ne marchent pas parce que... Oui. Je dirai après pourquoi ça ne marche pas. Et ce qui est assez intéressant, enfin, c'est, elles sont importantes dans le sens où, par exemple, dans les... comment dire dans les études de vétérinaire, il y a vraiment deux disciplines qui sont totalement différentes, qui sont la zootechnie, qui est la science de l'amélioration des animaux domestiques, et la zoologie appliquée, qui s'intéresse à la domestication des animaux non domestiques. Donc tout ce qui est poisson, tout ce qui est la plupart des oiseaux, tout ça, c'est, pour eux, ce n'est pas des animaux domestiques. Pourtant, ils travaillent des techniques qui sont quasiment identiques. Hein. Donc voilà. Donne donc les définitions qu'ils donnent, les critères qu'ils donnent pour déterminer quand il y a domestication ou pas. Bah, c'est le dernier, ah, oui. En fait, j'ai mis des points à l'envers. Et ouais, pour eux, pour que sur un animal domestique, il y a trois actions qui le définissent, qui doivent avoir lieu sur lui. La première, c'est l'apprivoisement. Donc l'apprivoisement, ça consiste juste à avoir des relations sociales avec des bêtes. C'est pour ça que certains ne veulent pas mettre le verre à soie dedans, parce que les relations sociales sont plutôt moyennes. Pour tout, c'est vraiment de l'industrialisation. Il y a le contrôle de la reproduction par l'homme, et sous la forme de ce qu'ils appellent l'amélioration. Mais moi, je suis même étonné qu'ils utilisent encore un mot comme ça, dans un truc qui se dit scientifique, quoi. Donc sinon, enfin, évidemment, donc il faut qu'il y ait une sélection artificielle. J'ai discuté avec pas mal de potes qui étaient en bio avec moi et qui le sont encore. Enfin, vraiment, les biologistes, pour un animal domestique, c'est sur quelque chose sur lequel il n'y a qu'une sélection artificielle dure, quoi. Enfin, y a pas photo. Et la troisième, c'est que ces animaux aient une utilisation. Donc ça c'est évident, même si, encore une fois, ils parlent assez peu des utilisations des animaux, quoi. Il n'y a pas... C'est assez étonnant. Alors justement, la zootechnie, elle s'intéresse que à ça. Enfin, la sélection artificielle, elle est faite en fonction de critères, enfin vraiment des intérêts humains et jamais d'autres choses. Enfin, le cochon a été sélectionné pour qu'il y ait moins de gras et plus de muscles. Enfin voilà, même quand. Et en ce moment, les travaillent sur le bien-être dans les espèces. Ils essayent de sélectionner des espèces non traitables, non stressables par contre. Pardon. Quand ils disent amélioration de l'espèce, ça veut dire c'est pas du tout que l'espèce soit mieux, c'est l'espèce puisse continuer à vivre dans les conditions qu'on leur impose. Ouais. Là-dessus, c'est assez clair. Donc ça, c'est la conception des zoologistes. Donc encore une fois, en biologie, c'est vraiment la dernière discipline où on trouve encore des notions racistes. Le spécisme existe quand même beaucoup en bio, mais aller jusqu'à définir des races domestiques comme on le fait chez le chien, où il y en a au moins 340, enfin, il n'y a pas une seule discipline biologique qui oserait aller jusque-là quand même. Et cet eugénisme-là, enfin, cette décision d'améliorer la race selon nos critères à nous, selon tous les moyens, elle n'est jamais, jamais, jamais mise en cause. Donc ensuite, le monsieur de l'INRA, là, il passe à d'autres types de définitions, enfin justement au travail qu'a apporté Digard. Et lui, il est assez intéressant dans le sens où, comment il dit ? Donc c'est toute action, que la domestication c'est juste les actions qu'exerce sur les animaux qu'on possède, ne serait-ce qu'en les élevant. Et les zoologistes, ils définissent la domestication en fonction d'un résultat. La domestication, c'est ce qui donne un animal domestique. Digard, lui, il va pas définir la domestication en fonction d'un résultat, mais en fonction d'un projet, le projet étant d'utiliser l'animal. Même quand l'utilisation, il ne sait pas trop ce qu'il veut en faire, parce qu'au début des Oui, et c'est surtout donc pour lui, la domestication, elle s'exerce pas sur des espèces, mais sur des animaux concrets, sur des individus. Donc enfin, c'est là où son étude est quand même intéressante, c'est que justement, il casse vraiment les classifications des zoologistes qui sont pas tenables, enfin même des lapins, enfin normalement, un animal domestique, il doit l'être tout le temps. Et s'il a un comportement qu'eux ils considèrent comme sauvage, qui ne rentre pas dans leur classification, il n'est pas domestique. Et dans les 26 que j'ai donnés, enfin ça va du. Il y en a beaucoup, que ce soit le lapin, même. Le pigeon. Que ce soit le lapin, le pigeon, le renne, le canard, enfin il y en a quand même beaucoup qui. Beaucoup d'individus de ces espèces-là ont des vies en dehors de l'homme. et des vies. Donc on ne peut pas faire un partage du monde entre espèces domestiques et espèces sensibles. Et aujourd'hui, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a de plus en plus d'élevage et d'apprivoisement, sinon de domestication d'espèces. Donc il explique donc que la frontière sauvage-domestique ne passe finalement pas entre les espèces, mais en leur sein, à l'intérieur de chaque individu. Voilà. Donc lui, comme eux, il va surtout définir la domestication par trois types d'actions qui sont la défense contre les agressions de toute nature, le contrôle de la reproduction et le contrôle de l'alimentation. Et il va définir des degrés d'intervention de la domestication. C'est ça que lui, il va beaucoup défendre le fait que les 26 espèces, c'est complètement débile et qu'il y a plus de, je sais pas, il y a au moins 200 espèces qui ont été au moins à un moment donné domestiquées. Et voilà. Et donc le ver à soie, par exemple, qui n'est pas reconnu comme domestiqué, il est aujourd'hui l'espèce sauvage. L'espèce qui existe encore aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'espèce avant qu'on commence à la transformer, et elle n'est pas du tout viable au niveau de l'homme. Elle est nourrie entièrement par l'homme quand on fait un élevage de ver à soie. Le ver à soie, c'est un bon bix du mûrier quand il est grand, et donc pour le nourrir, il cultive des mûriers. Et ils le nourrissent, c'est donc eux qui le nourrissent entièrement, il est totalement dépendant. Il laisse une partie, il contrôle la reproduction, c'est-à-dire ils font le tri entre les plus gros qui vont servir à la soie. À chaque cycle, ils font ça, et ceux qui laissent se développer pour la reproduction. Mais de toute façon, les adultes, ils sont même pas capables de voler, et ils pourraient pas se reproduire, donc eux, ils ont aucune chance de devenir sauvages. Pourtant, c'est une des rares espèces qui est pas classée domestique. Et enfin, Diger, il est quand même aussi très très spéciste, parce qu'il commence son bouquin par dire que, en gros, la domestication est aussi très intéressante dit beaucoup sur l'homme, et que il va s'ingénier à ne jamais parler des animaux, mais de parler du rapport des hommes, de l'homme à l'animal. Hein. Donc de toute façon, lui, il parle tout le temps de l'homme, même s'il reconnaît au moins qu'il y a des individus et des variabilités chez les individus animaux, mais c'est pas du tout un truc qui l'intéresse, quoi. Et dans les buts de l'homme pour les premières domestications surtout, il va beaucoup insister sur le fait que l'utilisation des animaux vient jamais en premier, elle vient souvent sur le tard. Et pour lui, il y a deux tendances inscrites dans la nature humaine, hein, il en parle comme ça, la nature humaine, qui serait la curiosité et le besoin de séduire, et la compulsion mégalomaniaque de dominer les êtres et la nature, de se les approprier, de les transformer. Et il va beaucoup beaucoup insister sur ce deuxième point, expliquer que toutes les domestications viennent juste de ces deux sentiments-là, quoi. L'exercice du pouvoir de l'homme sur l'animal. Ça, c'est un sentiment qui est partagé par l'ensemble des gens qui bossent sur la domestication. Oui. Enfin, ouais. Ça, c'est un mec de l'INRA. Hein. Donc même chez les zootechniciens. Oui, ça, c'est vraiment un truc qui est entièrement partagé. Et ensuite, il y a un autre mec qui est lui aussi ethnozootechnicien, qui s'appelle Sigo, qui va plus loin dans la critique de la notion de domestication. Il dit que c'est un concept un peu débile et pas du tout précis. Et il dit qu'il y a trois types de relations qui sont l'appropriation, donc le fait de posséder un animal, la familiarisation ou l'apprivoisement, le fait d'avoir des relations sociales avec lui, et l'utilisation des animaux. Et que, en fait, la domestication, elle oscille entre ces trois trucs-là, la familiarisation et l'utilisation des animaux. Et encore une fois, il y a très très peu d'espèces domestiques où il y a ces trois trucs-là. Enfin, il y en avait très très peu. Aujourd'hui, c'est la plupart des animaux, des animaux qu'on élève dans les usines à viande, comme il le dit, Edgar, en font partie, mais il y en a... Finalement, il y a beaucoup d'autres classes. Par exemple, il va parler, les animaux aujourd'hui de chasse, pour lui, c'est des animaux qui sont appropriés, non utilisés, non apprivoisés. Enfin, c'est pas une utilisation, c'est juste, on considère qu'on les possède, donc on les élimine. Et de la même manière, Donc les animaux familiers, les animaux de compagnie, il va dire que c'est des animaux appropriés, apprivoisés, mais non utilisés. Et il va parler aussi d'animaux qui sont appropriés et utilisés, mais pas apprivoisés. Donc ça, ça a été le cas du chat pendant assez longtemps, jusqu'au 18e siècle. Le chat, il était utilisé beaucoup pour chasser les rats. Et ouais, il était beaucoup utilisé pour chasser les rats, le chat. Et, pour qu'il garde son comportement de prédateur, il conseillait à tout le monde dans les villes de ne pas avoir de relation avec lui, sinon c'était plus un bon chasseur. Donc ils ont beaucoup travaillé à le maintenir à l'extérieur de l'homme. Le chat, on considère qu'il est devenu domestique à partir du moment où justement est arrivé le surmulot, qui est l'actuel rat d'égout, contre lequel le chat était pas très fort en chasse. Donc là, il a perdu son utilité et il s'est fait domestiquer, il est devenu un truc de compagnie. Et enfin, c'est quoi la troisième classification ? Le cheval aussi, enfin en Inde, qu'est-ce que je dis ? En Amérique, c'était pareil, le cheval, il était essentiellement, les bisons, ils étaient appropriés, utilisés, mais non apprivoisés aussi. Et donc, en tout cas, il y a un truc qu'on peut remarquer dans ses classifs à lui, c'est qu'il y a un truc qui revient tout le temps, enfin il y en a un qui n'existe jamais avec un nom, c'est approprié. Enfin, dans toutes ses classifs, il n'y a pas d'animal qui ne soit pas approprié. C'est le dénominateur commun. Et il y a une déclinaison qui manque, il n'y a pas non plus d'animal qui soit apprivoisé, mais ni approprié, ni utilisé. Ça, c'est intéressant. Donc lui, il dit que la notion de domestication est inadéquate et qu'il faut absolument l'abandonner pour s'intéresser aux différents types de relations qui existent entre l'homme et l'animal. Voilà. Là, j'ai bientôt fini. Il y a des gens qui incluent dans l'utilisation affective. Pas parmi les... Dans ceux que j'ai étudiés, voilà. Pas les anthropologues. Justement, enfin, ça, je voulais revenir plus tard dessus, mais quand Digard fait l'histoire de la domestication des... espèce par espèce, ce qu'il remarque justement, c'est que tous les animaux de compagnie sans exception sont devenus animaux de compagnie quand ils ont perdu leur utilité. Donc c'est ce que je disais sur le chat, quand il a arrêté d'être utilisé pour chasser le rat, c'est là où il est devenu animal de compagnie. Et le chien, c'est à peu près la même chose, quoi. Le chien, au moment où le loup devient de moins en moins présent, donc on l'utilise de moins en moins comme chien de berger, c'est aussi le moment. C'est aussi le moment où on commence à le domestiquer comme chien de compagnie, quoi. Donc oui, non, c'est pas considéré comme une utilité. Oui, mais pourtant c'est classé dans les animaux domestiqués, les animaux familiers. Pardon ? Les animaux familiers. Les animaux familiers, Sigo, il dit que c'est des appropriés, apprivoisés, non utilisés. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et alors donc le monsieur de l'INRA dont je parle de l'article là, en fait, après il va en venir à parler des règlements sur la nature. Donc dans le code rural sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme. Et les animaux domestiques, c'est juste ceux qui ont une sélection continue et constante. Et donc Sigo il va dire de manière assez maligne que les conceptions élargies des anthropologues, elles sont beaucoup trop larges pour pouvoir faire un partage du monde et gérer la loi. Par contre, que les espèces que la zoologie, elle est beaucoup trop restrictive. Et donc, en fait, les zootechniciens ont travaillé à définir un certain nombre de races et de variétés en 94 qui sont pas définis comme domestiques, mais qu'on dit domesticables, et qui peuvent échapper aux lois sur la protection de la nature. Parce que voilà, l'enjeu, il est là, s'il s'intéresse à définir ces lois, encore une fois. C'est pour éviter que des lois de protection s'y appliquent, quoi. Et donc, là, à ce moment-là, ils se sont mis à inventer une soixantaine d'espèces d'oiseaux de volière, par exemple. C'est quoi les lois de protection de la nature, en fait, en Et là, je suis désolé, mais j'ai pas recherché ce que c'était comme les dispositifs. En fait, c'est que tu n'as pas le droit de maintenir en captivité un animal sauvage. D'accord. Mais par exemple, quelqu'un qui croise un faon abandonné, Il n'a pas le droit de le maintenir chez lui pour lui donner le biberon. Il faut qu'il le remette à un organisme. Tu vois, il y a des lois de protection des animaux sauvages. Et en fait, il se trouve qu'à l'heure actuelle, on essaye de domestiquer, entre autres pour la bouffe, plein d'animaux divers qui tomberaient sous ce coup-là. Donc ils essayent de contourner cette histoire-là en modifiant les définitions. Donc à la limite, pour échapper à ce truc-là. Oh bah ça, il y en a plein. C'est surtout des oiseaux, enfin les oiseaux de volière, il y en a pas qui sont considérés. En face de toi. Un animal qui appartient à la faune sauvage, qui est blessé, qui a été qui agonise quelque part, qui n'a pas non plus le droit de l'emmener ou de se faire soigner par un vétérinaire qui, lui, légalement, n'a pas le droit d'y toucher. Bon, dans la pratique, je ne le fais pas, moi je le fais régulièrement, mais dans les textes, il n'a pas le droit, ce droit-là non plus. C'est l'apartheid des espèces. Ils ne peuvent pas soigner gratuitement les animaux sauvages. Non, ils sont tenus. Mais il y a l'intention dans la mesure où un animal de la faune sauvage ne peut être ramassé par une personne qui n'est pas habilitée à le faire et à ce titre-là ne peut pas du tout être soigné par un vétérinaire. C'est pas juste les espèces protégées comme les rapaces. Non, tout animal de la faune sauvage. Mais il m'arrive fréquemment, j'habite dans le Morvan. De temps en temps que des personnes amènent une biche qui s'est fait taper par une voiture qui a une patte estompée ou un renard, c'est encore un petit peu différent, et légalement les vétos ne peuvent pas y toucher. C'est-à-dire qu'ils le font, ils nous connaissent, mais ils le font, ils sont en infraction quand ils agissent ainsi. Et pour répondre à c'est essentiellement des oiseaux et des poissons en ce moment, enfin aussi qui sont la truite arc-en-ciel, le saumon, le bar, la dorade, le royal, le turbo, la morue, la céréole par exemple, c'est des certaines espèces de poissons-chats, ils sont à l'heure actuelle élevés en pisciculture intensive. Et... Si. Les animaux sauvages, t'as le droit de les tuer, t'as pas le droit de les soigner. C'est ça. Enfin, t'as le droit de les tuer, mais il faut payer pour les tuer. Oui. Ouais, d'un autre côté, le gouvernement, il vient d'offrir 23 millions d'euros pour les tuer. Et les crevettes, il y a aussi pas de mollusques, absolument rien là-dedans, qui sont considérés comme animaux domestiques, hein, de toute façon. Et si, il y a un autre enjeu aussi, c'est qu'apparemment, comment dire. Il y a aussi un truc de... Tout à l'heure, je disais que c'est la dernière discipline raciste. Enfin, avec l'agriculture. Enfin, là, j'ai pas fait ça. Je voulais le faire au début, un peu rapproché. Enfin, certains auteurs font pas de différence entre l'élevage et l'agriculture. Ils parlent de domestication des espèces vivantes. Et à peu près toutes les définitions que donnent et les zoologistes et Diggard sont applicables aux végétaux. Enfin, des choses comme le... Sauf que les végétaux, il y a beaucoup plus d'espèces considérées comme domestiquées. Mais si on regarde le maïs, la manière qu'il a été domestiqué, enfin c'est pareil, il ne ressemble pas du tout aux souches sauvages et on a utilisé les mêmes méthodes, etc. Et c'est surtout apparu exactement en même temps, c'est-à-dire vers 9000 avant Jésus-Christ. Le chien, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment 3 siècles avant tous les autres, a priori, qu'il a été domestiqué. 3 millénaires. 3 millénaires, exactement. C'est long. Mais beaucoup d'utilisation. Je voulais faire l'histoire après, non, pas apprivoisement, mais pour une utilisation aussi. C'est un auxiliaire de la chasse et un détritivore. Selon eux. Un détritivore. Enfin, comme il est omnivore, il peut bouffer des déchets, donc il permettait de nettoyer les campements à peu de frais. Mais au début, ils appellent ça du commensalisme. C'est-à-dire, les loups, ils chassent ensemble et il y a des auxiliaires de chasse qui rabattent et d'autres qui abattent et après ils partagent. Et ils ont commencé à faire pareil avec le loup. Et c'est comme ça que Diggard explique d'ailleurs que le chat aurait été domestiqué beaucoup beaucoup plus tard. C'est ça qu'ils veulent dire quand ils disent qu'il y a des espèces domestiquables. C'est pas une question de nature, mais de comment se fait la domestication à ce moment-là. Le chat, c'est un chasseur solitaire à l'affût. Donc ils pouvaient pas inventer une méthode de collaboration pour la chasse avec ça. Donc ils l'ont fait avec le loup, quoi. Et le loup aurait glissé peu à peu du commensalisme à la domestication, dépendant d'un maître, etc. Oui, il y a un autre enjeu aussi, oui. Oui, ce que je disais sur le racisme, c'est marrant, mais on utilise par exemple beaucoup le terme de variété comme en plante, mais variété, c'est vraiment un terme assez marrant parce que, ben voilà, ça voudrait dire qu'il y a de la variété, etc. Alors que appartenir à une variété, ça veut dire obéir à un certain nombre de normes très, très, très définies. Et donc voilà, à partir du moment où tu échappes à cette norme, tu fais pas partie de cette variété. Et comme en biologie, la génétique, ça marche pas pour faire des classifications. Enfin, je sais pas comment dire. Ils peuvent pas définir génétiquement les espèces domestiques. Le cochon, ils ont vraiment essayé de faire une différence génétique entre le cochon et le sanglier. Ils n'y arrivent pas. À l'époque de Diggard, en 90, c'était encore le cas. Dans la littérature de classif actuelle aujourd'hui, le cochon et le sanglier, c'est exactement la même espèce. Donc ça, c'est assez gênant pour eux. Donc ils vont utiliser non pas ce qu'on appelle le génotype, mais le phénotype. La génétique. L'idéologie génétique, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un génotype qui serait un programme, et de l'autre côté un phénotype qui sont des comportements et des caractères qui serait l'application directe de ce programme-là. Et dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, ça marche jamais. Et donc ils sont toujours en train de confondre les deux, ça c'est intéressant. Mais par exemple, c'est aussi ces lois-là, c'est aussi pour rendre le. Obligé à être dépendant des naisseurs. Par exemple, pour le lapin, s'ils s'aperçoivent que des éleveurs ont récupéré des lapins sauvages, c'est-à-dire qui expriment un comportement qu'il a retrouvé en liberté, enfin loin de l'homme, s'il y en a un parmi tout l'élevage est considéré comme non domestique, et donc les lois de protection de la nature s'y appliquent, en gros. Donc voilà, et puis lui il finit son article en disant bon c'est que des histoires de définition, c'est pas très important si les zoologistes sont pas assez rapides pour décider quels ces animaux sont domestiques ou pas. Et il finit par l'essentiel est bien que l'élevage de nouvelles espèces S réponde aux espoirs qui ont été mis en elle. Donc les espoirs qui ont été mis en elle, on imagine bien lesquels c'est. Hein. C'est assez délirant. Et pour finir, juste avant de laisser parler un peu Yves, Les chiens. Non, pas tout de suite, je tombe. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pour finir. Oui, pour finir, je voulais juste revenir deux secondes à l'anthropologue, là, Diggard, et la manière qu'il a parlé de la domestication. Comment dire ? Ouais, c'est ça. En fait, quand il parle du rapport de l'homme ou des animaux, il insiste beaucoup sur le fait qu'il y a il parle de traitement analogique des hommes et des animaux dans toutes les sociétés. C'est-à-dire que, en gros, les relations qu'on a par rapport aux animaux correspondent à peu près au rapport de classe, hein, pour aller vite. Et qu'on retrouve toutes les sortes de la subordination dans les domestications en fonction des sociétés. Il va beaucoup montrer que si on ne peut pas raisonner en termes d'utilité quand on parle des animaux domestiques, c'est que jusqu'à une époque très très récente, le capitalisme fordiste en fait, la plupart les animaux ont plein d'utilités différentes, il n'y a pas de spécialisation quoi. Et justement, enfin, là-dedans, on découvre quand même vachement que l'usage de la viande est assez minoritaire. Enfin, il a toujours été utilisé. Il y a eu des espèces élevées essentiellement pour la viande. Ça, c'est clair, mais c'est loin d'être le cas de la majorité des espèces. Et même les espèces qui étaient utilisées pour la viande l'étaient avant pour la force motrice. Enfin, la plus grosse utilisation des animaux jusqu'à l'invention de la voiture, enfin du moteur à essence, c'est de toute façon la force motrice. Le cheval et le chien, même le chien, il n'y a pas échappé, on l'a utilisé pour faire tourner des turbines. Enfin. Oui, c'est ça. Et donc, Qu'est-ce que je veux dire à partir de ça? Ouais, et selon lui, il s'intéresse beaucoup à la forme moderne de la domestication, donc justement où chaque animal est surspécialisé en fonction de l'utilité humaine. Et ça, selon lui, c'est une apparition très très récente qui est exactement la même que la division des tâches dans le fordisme en fait. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que les premiers abattoirs modernes, c'est-à-dire avec des notions hygiéniques, une division des tâches avec des tapis roulants, des choses comme ça, ils apparaissent à Chicago avant le taylorisme dans les usines. Enfin, le taylorisme chez les animaux apparaît d'abord avec les animaux et ensuite dans les usines. Et ils s'intéressent beaucoup, au fait que dans la société occidentale, le traitement le plus saillant est la hiérarchisation des animaux domestiques en plusieurs catégories distinctes faisant l'objet d'un traitement inégal. Donc il fait beaucoup la différence entre les animaux de compagnie et ce qu'ils appellent les animaux de rente, encore une fois. En tant qu'ethnologue, enfin c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a toujours... Excusez-moi. Ouais, donc il étudie pas mal comment subjectivement on rend supportable cette division. Par exemple, ça a toujours été le cas. On n'a jamais nommé les animaux qu'on va abattre. En général, on n'a pas de nom. On parle du bétail, du cheptel, de la volaille. Alors que les animaux domestiques, en général, les animaux familiers, on l'utilise au pluriel et on leur donne des noms. Enfin, il y a un vrai traitement symbolique qui n'a absolument rien à voir. Même si toutes les sociétés qui ont utilisé les animaux et qui les ont abattus ont de toute façon toujours inventé des mythes pour le supporter. Enfin, c'est là où... c'est ce qu'on disait sur les Indiens hier. Les sociétés qui mythifient le plus l'animal comme égal sont souvent aussi celles qui le considèrent le moins au quotidien, quoi, on va dire. Et surtout, enfin ouais, c'est là-dessus que je voulais finir. Finalement, Digard en arrive à dire qu'il n'y a pas besoin d'utilité pour définir la domestication. Ce qui est la même. Et ce que dit l'autre personne dont j'ai parlé, là, qui parlait des trois types de relations, appropriation, utilisation et apprivoisement. Il dit à peu près la même chose, que avant tout la domestication, c'est une fin en soi, que l'homme aurait besoin de domestiquer, et que c'est bien toujours ce besoin de domination de la nature qui préside là-dedans. Et ce but-là, pour lui, dans l'animal de compagnie, c'est aussi le fait, pour lui, le fait d'avoir un animal de compagnie, c'est aussi l'exercice de ce pouvoir-là. Mais je vais juste lire un truc sur comment il en parle. Qu'est-ce que c'est ? Mais là, il parle du spectacle. Sur le spectacle, c'est quand même assez clair, en effet. Enfin, quand tu sur la corrida et le cirque, là-dessus, c'est assez clair. Sur les animaux de combat aussi. Car après tout, entre l'action d'enfourcher un animal sur une piste et celle d'affronter un taureau dans une arène ou un lion dans une cage, il y a des différences de degré dans le risque et dans la performance, mais pas fondamentalement de différence de nature. Quant au spectateur, il assiste à une compétition équestre, à une corrida ou à une représentation de cirque avec le même mélange de satisfaction de voir l'homme triompher de la bête et d'attente inavouée du refus d'obéissance ou du coup de corne fatal. On trouve donc de part et d'autre de la grande masse des animaux domestiques dont l'homme tire tant de bien, tant bien que mal sa substance, pardon, des animaux qu'il joue à domestiquer, les uns sur le mode tragique en les réduisant par la violence, parfois jusqu'à la mort, les autres sur le mode de la comédie sentimentale en les surdomestiquant. Que l'homme consomme des animaux domestiques, c'est indéniable. Qu'il consomme aussi, et dans certains cas surtout, de la domestication, voilà qui est à peu près sûr. On peut même se demander si l'action domesticatoire à l'origine, et parfois aujourd'hui encore, ne doit pas être considérée au moins en partie comme une fin en soi. un vétérinaire justement qui parle de la relation aux animaux de compagnie. Mais je pense en parler plus tard. Hein, que... Moi je m'étais intéressé un petit peu au... à la notion de domination et en partant de l'idée qu'à partir du moment où il y a pouvoir, alors c'est peut-être discutable, et ça sera peut-être une des choses à discuter, à partir du moment où il y a pouvoir, et à partir du moment où il y a appropriation et surtout utilisation, utiliser, c'est faire, c'est plier quelqu'un à ses propres fins, à ses propres intérêts, c'est-à-dire lui faire abandonner ses propres intérêts pour faire servir les nôtres propres, ou alors faire servir ses propres intérêts aux nôtres propres, ça dépend, mais qu'à partir de ce moment-là, il y a une sorte de mépris, qui en découle ou qui accompagne, enfin c'est la même chose en fait, que ce qui se passe dans la tête au niveau subjectif, la transcription au niveau subjectif de l'utilisation d'autrui, c'est le mépris. Et il me semble avoir relevé en tout cas que c'était effectivement très couramment le cas. C'est-à-dire dans le. Il y a que le. En général, quand le rapport aux animaux. Qu'on fait servir à qu'on utilise, ça peut même être qu'il y a il se joue, il y a des enjeux de domination qui sont des enjeux au niveau subjectif de soit on va se sentir supérieur et ça peut devenir un enjeu d'ailleurs fondamental de la domination, l'enjeu premier de la domination. En exerçant un pouvoir sur l'animal, on se pose comme supérieur à lui dans la subjectivité et on se prouve en quelque sorte qu'on est supérieur à lui et c'est quelque chose qui bon, qu'on retrouve très souvent de façon explicite mais aussi qui a servi pour poser des symboles au sein des dominations intra-humaines sous la société féodale, les seigneurs féodaux, c'était eux qui avaient le privilège de monter à cheval par exemple. Sous François Ier, c'était puni de mort que de monter à cheval pour un gueux. De la même façon, d'ailleurs, c'était puni de mort que de tuer un cerf pour un gueux, quoi. C'était un privilège royal. Il y a des privilèges de domination qui marquent des privilèges... Il y a des privilèges de domination sur les animaux qui vont devenir des symboles de domination intra-humaine. Il y avait des privilèges de chasse, par exemple. On sait que quand il y a eu l'abolition... quand il y a eu la Révolution française... Un des grands symboles démocratiques, ça a été la fin des privilèges de chasse. Tout le monde pouvait avoir accès à la domination sur l'animal que représente le fait de le mettre à mort, de le chasser, de le mettre à mort. Ça peut se poser aussi par l'exercice de la violence. C'est qu'à une époque récente, par exemple, on considère que un animal qui a souffert, sa chair sera moins bonne. Pendant très longtemps, et c'est valable pour la quasi-totalité des civilisations, le fait de faire souffrir l'animal, ou de lui faire peur, etc., c'est un moyen de marquer son pouvoir, et sa chair était réputée être meilleure. Ouais. Ou alors il y avait des recettes au Moyen-Âge où on explique qu'il faut cuire la poule vivante pour que quand les convives entrent, elle continue à hurler. Assez horrible. Ça, ce serait pas plutôt un truc psychologique pour supporter ce qu'on fait subir à l'autre. Mmh. Le fait de s'acharner à faire souffrir, à écrabouiller l'autre, c'est juste une façon aussi de supporter ce qu'on fait. Quoi. Enfin, c'est une autre explication qui n'est pas du tout contradictoire. Et, oui, c'est pas contradictoire, mais moi je vois. En psychologie sociale, il y a eu des études qui montrent que quand on tient quelqu'un en son pouvoir et qu'on va à l'encontre de ses intérêts, on se porte mieux si on en rajoute une couche et qu'on le fait souffrir, etc. C'est-à-dire qu'on va mieux supporter sa tâche en exerçant une forme de sadisme. Comme en fait. Exemple, j'ai vu à la télé un Momo qui cachait une Momo parce qu'il vivait dans les banlieues. Nulle part. Et je dis, c'était un gars qui était homo et qui cachait qu'il était homo parce qu'il vivait dans les banlieues. Et donc il y a une haine. Il y a une haine qui s'exerce. Et donc un jour, le groupe de copains avec qui il était s'est acharné sur un autre homosexuel et il disait que c'était lui qui avait été le plus violent. Et il était passé à l'acte, qui avait été le plus violent sur l'autre gars. Donc, peut-être que ça rejoint un peu l'idée que le fait d'être plus violent, peut-être que ça... ça je sais. Oui, je sais pas si ça rejoint ou pas. La mise à l'extérieur de soi d'une pulsion de violence qu'on ressent en tant que victime. Enfin, c'est l'histoire du bourreau de la victime. Ouais. Oui, là, ça lui permettait aussi de se dédouaner. Je sais pas si c'est exactement la même histoire. Non mais en fait si tu veux pour quand tu vas pour assassiner je sais pas un cochon, t'as intérêt à le considérer comme une vraie sous-merde avant de pouvoir le faire quoi. Si tu commences à le considérer comme quelqu'un digne d'intérêt, tu peux plus passer à l'acte, t'as intérêt à le pour pouvoir passer à l'acte, t'as intérêt à commencer à lui donner dessus, les coups de pied, à le mépriser au maximum pour avoir la possibilité psychologique de le faire derrière. Alors ce qui est important c'est de voir l'impact de l'environnement et l'éducation, ce qui nous pousse à faire ça. Il y avait une expérience que tout le monde doit connaître on avait demandé aux États-Unis à plein de gens sous des prétextes scientifiques de rentrer dans une pièce où on était en capacité de maîtriser un instrument qui produit de la douleur sur des personnes qui étaient dans des cages, dans des cages vitrées. Et parce qu'il y avait le contexte et l'argumentation scientifique, les gens ont accepté de le faire. Et bien entendu, les mecs qui étaient dans les cages, les acteurs, ils ont fait, vous connaissez ces extraits. Comment elle s'appelle les mêmes. Ce qui est intéressant là, dans cet exemple, c'est de voir le contexte sociétal, culturel, traditionnel, et surtout la puissance scientifique, la pseudo-scientifique. C'est une expérience sur la soumission à l'autorité. Oui, c'est l'autorité. Oui, mais sous couvert des points scientifiques. La couleur scientifique qui est importante dans l'histoire. C'est justement symbole de l'autorité. C'est symbole de l'autorité. Oui, mais le côté scientifique, j'ai un scientifique qui parle. Aussi, parce que pour ce qui nous intéresse, sur l'expérimentation animale, par exemple, on s'en fout. Soi-disant au service de l'homme, on est capable même d'aller en fait destroyer d'autres humains. Donc les animaux, étant donné qu'on vit dans une société spéciste, évidemment, ça pose encore moins de problèmes. Et bien il y avait sur la liste de préparation des estivales, on avait fait passer un texte d'un vétérinaire qui lui considère que tout rapport à l'animal est un rapport intéressé, y compris donc à l'animal familier, c'est-à-dire le rapport qu'on peut avoir à notre chien, à notre chat, etc. Et qui considère que tout rapport à l'animal, finalement, est un rapport zoothérapie. Alors en fait, c'est une vision des choses très spéciste, mais je vais vous lire le petit passage. Il dit... Ce ne sont pas seulement les gens esselés, les personnes âgées ou handicapées qui pratiquent la zoothérapie. En fait, sans se l'avouer, tous ceux qui possèdent un animal de compagnie pratiquent une forme de zoothérapie. Que ce soit pour peupler la solitude, pour assouvir un besoin maladif de dominer, pour se conformer à une image de la famille ou pour embellir la vie, les animaux de compagnie viennent toujours, quelle que soit la raison invoquée, combler une carence ou une insuffisance personnelle quelconque. La zoothérapie ou thérapie assistée par l'animal peut donc se définir comme la simple interaction avec un animal de compagnie. C'est-à-dire que pour lui, il y a systématiquement une instrumentalisation de l'animal au profit de l'humain, du maître, etc. Bon, en fait, moi, il me semble la première critique qu'on peut faire à ce qu'il dit, enfin, je ne sais pas si c'est une critique ou en tout cas c'est un élargissement, c'est que ce qu'il dit, ça s'applique tout aussi bien à n'importe quelle relation qu'on a entre humains. Son amant, sa compagne, son enfant. Et que c'est complètement arbitraire cette distinction qu'il fait entre humain et animal à ce niveau-là. Et que c'est uniquement parce que c'est là un animal qui va mettre des termes péjoratifs. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit très peu que dans notre société, par exemple, l'amour, c'est affublé du caractère désintéressé. Mais on pourrait tout aussi bien dire que c'est intéressé sans que ça devienne un truc péjoratif. Quoi. On trouve bien un intérêt à l'objet amoureux, quoi. Et à vivre un amour et un rapport amoureux. Dans les transactions affectives, si tu fais regarder, c'est pas fait pour ça. Mais c'est ce que... Et pourtant, quand on regarde notre vocabulaire, c'est du vocabulaire de commerce. Mais là, c'est assez intéressant parce qu'il y a un traitement particulier du rapport à l'animal où c'est pathologisé en fait. C'est censé être quelque chose d'anormal en soi, quoi. Et effectivement, c'est clair que dans tout rapport, de toute façon, il y a un côté instrumentalisation, intéressé, appropriation et tout ce qu'on veut. Mais simplement, on ne voit pas là en quoi le rapport à l'animal serait spécifique. Et de fait, c'est particulièrement net aussi dans le rapport à un certain nombre de catégories humaines. Par exemple, pour les enfants, le problème se pose de façon extrêmement similaire avec notre rapport aux enfants. Bon, mais par ailleurs, il fait remarquer aussi que ce rapport d'amour avec les animaux, c'est quand même un rapport très particulier. Bon, on a quand même tout pouvoir. Et il dit, par amour, il met des guillemets à amour, dans les officines des vétérinaires et des éleveurs, on mutile les enfants en leur coupant la queue, les enfants entre guillemets, en leur coupant la queue et les oreilles, en leur enlevant les griffes, les cordes vocales, les crocs, les glandes anales, en les stérilisant, etc. Donc là, il pose aussi vraiment clairement le fait que ce rapport à l'animal familier, c'est facilement un rapport de pouvoir qui peut être extrêmement violent. Bon, il met plein de choses ensemble là-dedans. Et puis pour lui, c'est nécessairement négatif aussi, ce rapport-là. Ça, c'est, je pense que c'est un des lieux du débat, c'est qu'il y a un rapport de pouvoir. Est-ce que ce pouvoir, si c'est nécessairement, et même peut-être de domination, est-ce que c'est nécessairement à considérer de façon négative? Il me semble que c'est un des trucs intéressants dans le débat qu'on peut avoir sur la domestication. Moi, ce que je voulais dire là-dessus, justement... C'est assez proche des enfants, parce que s'il y a un caractère particulier au-delà du fait que c'est des amitiés avec des espèces qui ne sont pas la nôtre, le caractère particulier, c'est l'appropriation. C'est que dans tous les cas, quand on est animal de compagnie, on en est le maître, donc on en est responsable et il y a une dépendance qui s'installe. C'est ça que c'est assez proche de l'enfant. Jusqu'à 18 ans, c'est la même chose, on possède son enfant. Et il y a un truc assez intéressant, parce que les premières lois justement de... Les premières lois de protection des animaux, enfin de protection, pas exactement, c'est pas très juste de dire ça, mais les premières lois d'interdiction, en tout cas de la violence publique, elles ont été faites par les mêmes législateurs à la fin du 19e siècle, on commence à interdire la violence publique et à obliger, les maîtres de déclarer leurs animaux, à obliger les chiens d'avoir des colliers. Et à abattre les chiens qui maraudent, enfin qui sont dans la rue, quoi. Ça, c'est à la fin du 19e siècle. Et les mecs qui ont fait ces lois-là sont exactement les mêmes qu'ont interdit les enfants dans les rues, justement, qu'ont fait des rafles d'enfants pour les envoyer à l'école et des choses comme ça. Et l'angle, c'est la protection quand même. Enfin, déjà à l'époque, enfin, il y a vraiment la protection de l'enfant, c'est la protection animale. Il y a vraiment un truc comme ça qui passe par l'appropriation. Moi, ce qui me gêne, quelque part, j'ai l'impression qu'on prend tout sous l'angle de la violence, c'est qu'on ne voit plus les violences cachées. Moi, je trouve ça un peu primaire, hein, ce que fait Digard, et de réduire toute relation à l'animal à un exercice de la domination. Je trouve ça assez réducteur. Par contre, je pense qu'il y a une vraie continuité dans les relations qu'on a aux animaux domestiques avec celles qu'on a toujours eues avec les autres, avec les animaux familiers, avec celles qu'on a toujours eues avec les animaux domestiques. Enfin, Et par exemple, voilà, enfin, l'utilisation de la mutilation. Tout à l'heure, je disais que la zootechnie, c'est adapté, c'est adapter les animaux aux conditions qu'on leur impose. Et par exemple, on utilise la castration, entre autres, pour que les cochons soient moins agressifs. De la même manière qu'on utilise la castration pour les chats pour qu'ils puissent supporter les conditions qu'on leur impose, à savoir un appartement ou les chiens pour qu'ils soient contrôlables s'ils ont des voisines en chaleur. Mais dans tous les cas, il s'agit d'adapter l'animal qu'on possède aux conditions qu'on lui impose. Donc il y a quand même des points communs, moi il me semble. Ce qui n'empêche pas d'inventer autre chose, quoi. Mais voilà. Pour ce que tu dis des lois sur la protection, ça fait partie d'un grand mouvement d'ensemble à cette époque-là, de l'enfermement généralisé de tout le monde, quoi, en fait. Ah bah oui. C'est pas juste les animaux, c'est juste que les animaux font partie au même titre que les enfants, les ouvriers, les... Ah mais c'est ce qui dit que ça renvoie au rapport de classe, oui, oui, c'est évident. Ouais, les malades mentaux, ça... Et l'autre truc, oui, c'est ça que je voulais dire, quand l'autre il dit que ça renvoie au rapport de classe, enfin, Foucault il fait la différence entre trois manières de gouverner les êtres, on va dire, là, qui sont la souveraineté, la discipline et le contrôle. Enfin, la souveraineté, c'est simple, c'est un exercice dictatorial du pouvoir. La discipline, ça passe à l'intérieur de milieux d'enfermement et à l'intérieur de dispositifs très très très durs. Donc dans le cadre des animaux, c'est clairement l'élevage intensif. Là, c'est clairement de la discipline. C'est très comparable aux institutions scolaires, aux institutions psychiatriques, à l'hôpital. Et il y a un troisième type de société qui parle pas mal qui est la société de santé, où là justement il n'y a plus besoin de milieu d'enfermement. Il appelle l'usine hors des murs, quoi. Il n'y a plus besoin d'être à l'intérieur d'un lieu d'enfermement pour être contrôlé, pour que des dispositifs. Donc la violence, justement, les dispositifs sont beaucoup moins violents. La violence est cachée. Et par exemple, Freinet, il y a un côté contrôle quelque part qui s'oppose à la discipline de l'école traditionnelle. La prison avec des bracelets, c'est des dispositifs de contrôle, quoi. Et l'animal domestique castré, médicamenté, mais comme l'enfant qu'on considère comme hyperactif, à qui on donne des médicaments, ça c'est des dispositifs de contrôle, quoi. Ouais. Et que là aussi, moi j'ai vraiment l'impression qu'on peut voir entre les animaux de compagnie et les animaux de rente, enfin là aussi une reproduction des rapports de société, ou entre l'Occident qu'on est à une société de contrôle, c'est-à-dire où nous avons tous accès à un certain bien-être, à un certain pouvoir d'achat, mais où il y a aussi de plus en plus de dispositifs qui nous empêchent de... enfin voilà, nous contraignent. Et les animaux de rente qui correspondraient au tiers-monde où tu as un capitalisme sauvage développé comme jamais, quoi. Enfin bon, voilà. Revenir juste deux minutes sur le concept de possession, le maître, tout ça. C'est comme c'est le même concept que bourreau-victime. Maître possède son chien et son chien possède son maître, que ça donne une justification à l'existence. Mais ça, c'est pour moi un éclairage psychologique sur notre fonctionnement de base. Il faut être creusé là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut éviter là-dedans, où sont les limites, qu'est-ce qui est acceptable. Et c'est finalement la question de ça. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas dans un fonctionnement qui, de toute façon, archétypal, enfin, qui peut évoluer, mais qui évolue en des millions d'années. Voilà. Parce que les choses sont, comme tu dis, jamais aussi simples. Méfier des apparences. Méfiez-vous des apparences. La possession, c'est un traître. Oui. C'est comme la nourriture, ça renvoie à des choses. Tu peux expliquer le début, ce que tu as dit, la possession du maître par son chien, puis tu as inversé la possession. Oui, oui. Bah, moi j'avais l'impression avec mon chien de vivre chez lui, quoi. De vivre dans sa vie, de vivre sa vie, et de faire vivre ma vie en fonction de sa vie à lui. Ah oui, d'accord. C'est un exemple peut-être un peu... Oui, pas forcément... Mais en termes psychologiques... En termes psychologiques, spirituel, après c'est conception et croyance de chacun. Moi j'ai la sensation que cette possession, elle ne peut s'effectuer que si dans un rapport étroit et mutuel, sauf qu'il y en a un dont on a conscience parce qu'il est apparent, et que l'autre, on le vit, mais qu'on ne s'en rend pas compte. Et qui fait que c'est dû à notre incarnation, on est seul dans un corps et que du coup il y a le rapport à l'altérité, ça c'est la psychose. Oui, mais c'est la solitude dont on a tous, même les frères et les sœurs témoins. Et que donc c'est dans le rapport à intérieur-extérieur en règle générale. Du coup, dans le rapport interactif du mouvement de soi vers l'autre, de soi vers soi, il y a la notion de possession, c'est. On disait l'autre jour sur le pouvoir et la souffrance. C'est-à-dire, je crois qu'il y a vraiment... c'est difficile de tirer le fil de tout ça. Tu tires le fil et t'as tout, c'est bien. Je sais pas, c'est des impressions comme ça, j'ai pas l'argumentation. Oui. Il me semble que le rapport aux animaux familiers, c'est un rapport qui a des relations, qui est très proche du rapport aux enfants. Il y a un rapport d'appropriation. On est propriétaire, bon, on n'est pas propriétaire vraiment, enfin, c'est pas dit comme ça par rapport aux enfants, mais ça revient à ça, c'est-à-dire qu'une mère a le droit de donner une gifle à son enfant dans le bus sans que personne ose réagir parce que c'est son enfant. Donc il y a vraiment un rapport de propriété. Et en même temps, il y a aussi un rapport affectif qui se développe, où le pouvoir qu'on exerce, on essaye, il y a de plus en plus de gens en tout cas, qui essayent de l'exercer au profit de l'animal. Mais il reste ce rapport de pouvoir, d'appropriation, etc. Et moi, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important à questionner, le rapport de propriété, c'est-à-dire défini socialement, et le rapport d'appropriation qui en découle. Ça me semble être un nœud de ce qu'on peut critiquer dans la domestication. De façon générale, en plus, les définitions qui ont été données de la domestication, il me semble que il n'y a pas particulièrement de raison de les limiter uniquement aux animaux. C'est-à-dire que les rapports tels qu'ils sont décrits à travers ce terme de domestication, ce sont des rapports qui existent entre humains. On parlait d'apprivoisement, séduction, on parlait d'instrumentalisation, d'utilisation, et on parlait d'appropriation. L'appropriation aussi existe. Quelque part, le problème de la domestication, ce n'est pas un problème purement tel qu'il est posé de façon spéciste. En fait, il est plus général que ça, et c'est un problème qui se pose de façon générale. Ouais. Domestication, ça vient de domus, la maison, et c'est pas comment un dominus. Non, dominus, c'est le maître de la maison. Le maître de la maison. Tout à fait. La maison, c'est ce qui fait qu'on se définit, qu'on a une identité, et donc forcément c'est le clan, et donc par opposition, il va se définir par rapport à l'extérieur. Enfin, c'est toujours un point intéressant. Forcément, il y a le dominus qui devrait pas hésiter à penser que c'est le dominus, le minus. Tout en bas et tout en haut, et donc sur quoi supérieur, effectivement. D'où l'histoire du rôle de la victime qui est interliée, on ne peut pas y échapper. Et moi, la question de la domestication m'intéresse aussi par rapport. Alors, ça élargit encore le champ du débat, mais c'est un certain nombre d'antispécistes. Par exemple, on considère qu'on devrait intervenir dans ce qu'on appelle la nature au profit des animaux. Combattre des épidémies, combattre les famines, mais ça peut être aussi combattre les souffrances liées à... Ça peut être aussi bien l'isolement que le froid, que la prédation, etc. Et là, il y a une notion à ce moment-là de contrôle qui nécessairement... et on rejoint cette notion de domestication. Et là, il y a. Toi, tu as lu là un passage où on parlait de la volonté mégalomaniaque de dominer, de transformer, de changer. Ouais. Tu veux pas le relire, hein? Oui, c'est ça. Je sais plus comment il dit. Je cherche. C'est ça, compulsion, mais là, mégalomaniaque de. Enfin, de compulsion mégalomaniaque de dominer les êtres et la nature, de se les approprier, de les transformer. Qui sont trois choses différentes, en effet. Mais que c'est en tout cas sur ce projet, ce rêve de certains antispécistes, donc de transformer la nature, ça peut facilement être vu sous cette forme-là, quoi. Comme volonté de domination, finalement, de se poser en tant que maître et possesseur de la nature. Un truc qui me gêne un peu, personne. Moi, je suis plutôt de ce côté-là, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est pas que je veux être maître et possesseur de la nature, mais ça m'intéresse de faire profiter les animaux du pouvoir qu'on a acquis, quoi. Ouais, mais... Ah, comment dire, je sais pas. Là, en fait... Volonté de dominer la nature, tu dis Maître possesseur de la nature. C'est Descartes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la nature a un rôle, voilà, et nous, on a le contre-rôle. Ben, moi, cette idée, j'avoue que c'est ce qui m'a toujours le plus gêné dans l'antispécisme, en fait. Enfin, C'est cette idée qu'il s'agirait de transformer la nature dans l'intérêt des autres, quoi. Enfin, comment dire, il y a une conception, je pense qu'il faut quand même pas oublier que Bentham, qui est à la base de l'antispécisme, d'un certain antispécisme, et qui est Suitzinger, donc je suis des cahiers quand même. Enfin, mais en tout, En tout cas, Bentham, c'est aussi l'inventeur du panoptique, donc qui est une figure que reprend justement beaucoup Foucault pour expliquer les structures disciplinaires. Enfin, ça veut dire il y a une tour centrale qui peut observer toutes les habitations qui sont autour. Et à chaque fois, à l'intérieur de cette tour, on sait qu'on est surveillé, on ne sait pas par qui, mais la surveillance est là et il y a un contrôle disciplinaire qui est assez fort. Et surtout politiquement, Bentham, ce qu'il explique, c'est que le rôle des élites politiques, c'est de faire le bien du peuple qui n'est pas capable de gérer lui-même ses propres intérêts. Et donc ça, c'est un truc qui, même politiquement au niveau des humains, me gêne, auquel je suis totalement opposé, qui gère à peu près la vision de la politique actuelle. Et l'étendre aux animaux, personnellement, enfin voilà, au-delà du fait que je pense pas que l'homme ait le pouvoir d'organiser le bien-être de toutes les espèces vivantes, j'y vois aussi du danger, c'est-à-dire installer la société de contrôle en combattant la société disciplinaire. C'est peut-être pour ça aussi que je suis toujours gêné quand on ne parle que de l'élevage intensif, c'est que j'ai l'impression qu'on oublie des bouts, quoi. Et que voilà, c'est ça. Et que moi, mes contrôleuses ANPE qui pensent que le bonheur c'est le travail et qui veulent absolument me renvoyer au boulot et qui veulent mon bonheur vraiment, mais bon, moi j'ai le pouvoir de leur dire que je veux pas. Dans les années 30, on stérilisait les chômeurs dans les marais de Louisiane, hein, faut pas l'oublier. Et c'est ce qu'on fait aussi aux animaux familiers pour qu'ils soient plus heureux. Mais après, c'est. On stérilisait les chômeurs. Il y a eu des chasses à l'homme pas mal, notamment avec des chiens pour réussir à les gauler. Mais... Parce que c'était génétique la fainéantise et que. Oui. Bon, aujourd'hui on stérilise les personnes handicapées. Exactement. Mentales. Oui, non, oui. Par de façon tout à fait officielle, sans aucun problème de conscience, l'eugénisme, c'est le bien. Hein. Oui, mais. C'est nazi, mais bon, le nazisme, c'est une expression extrême d'une pulsion, pour une fois, qui est. Et encore une fois, il y a quand même une différence avec les animaux. Quand en Scandinavie, on propose à un prisonnier condamné pour une agression sexuelle s'il préfère rester en prison ou être stérilisé chimiquement, c'est lui qui répond ce qu'il préfère. Dans l'animal, hein. C'est nous où on demande aux scientifiques ce qu'ils pensent être le mieux, ce qui me semble un peu bizarre. La question fondamentale, c'est savoir si il peut y avoir un pouvoir exercé sur les autres qui ne soit pas qui soit bienveillant, quoi. Ça revient à ça. C'est un truc qui me gêne dans ce que tu dis, en fait. C'est que tu parles comme si en fait on n'était pas déjà sous un état de contrôle complet de tout. Alors qu'en fait c'est déjà le cas, quoi. Enfin, on est déjà. Tout est déjà sous contrôle en quelque sorte. Entièrement d'accord. Ça n'empêche pas de chercher à fêter ça. Le propos de l'antispotisme, entre guillemets, c'est que le contrôle soit bien, au moins bienveillant. Quoi. Ouais. La social-démocratie. Ouais, mais enfin, tu vois, là-dessus, c'est comme l'ordre naturel, l'ordre politique, il n'y a pas de fin d'histoire, c'est la même chose. Enfin, c'est justement. La société de contrôle s'étend, donc il faut justement la combattre. Enfin, c'est pas une raison pour essayer d'inventer autre chose. Elle s'étend, enfin, elle essaye d'ouvrir de nouveaux domaines avec les nouvelles technologies, par exemple, ou de nouvelles techniques, mais pour affiner le contrôle. Mais le contrôle, il y est déjà depuis un bail. Aujourd'hui, on met des caméras de vidéosurveillance plutôt que d'avoir des concierges en bas des immeubles, mais c'est la même chose. Quoi. Enfin, c'est même plus pernicieux parce que ça rejoint plus Bentham. Je suis assez d'accord, mais. Enfin, ça c'est peut-être un aparté, mais il faut quand même y relativiser aussi. Je sais pas si c'est relativiser, mais en tout cas remettre en situation. C'est que les sociétés de contrôle, on en vient tous, toutes les sociétés rurales, c'est des sociétés de contrôle total et totalitaire de chacun sur tous. Où tu n'as aucune possibilité de vivre quoi que ce soit en dehors du regard des autres et où tu ne peux pas échapper à la norme. Si tu peux, dans certains cas, tu as des sortes de marges qui sont possibles, mais va-t'en être lesbienne dans un village au Portugal. Enfin, plus facile qu'en France, mais ça c'est une autre question. Bon, Oui, mais enfin... Bon. Non, mais quand on parle de société de contrôle à propos de la société actuelle, il ne faut pas oublier que toute société est une société de contrôle et qu'il y a des sociétés où le contrôle est effectué de façon interpersonnelle, c'est-à-dire en plus avec toute une charge affective, etc. Comme le contrôle qu'on a sur les enfants, c'est aussi un contrôle totalitaire, mais en plus avec toute une charge émotionnelle qui est super humiliante. Et que... Mais voilà, en tout cas, il ne faut pas opposer la société actuelle. Et moi, c'est ce problème de contrôle, c'est que ça finit un peu. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y a pas de contrôle par ailleurs. Quoi. Dans les trois modalités qu'il décrit, il y a des porosités, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, la société de contrôle, il y a encore des aspects disciplinaires, des aspects souverains de toute façon. Quoi. Enfin, l'armée, par exemple. Enfin, l'armée et la police qui restent des structures disciplinaires de base. Oui. Si on prend le thème de l'enfant, là, d'une part, il y a la raison pour laquelle tu as un enfant. Et d'autre part, quand l'enfant naît, il est à ta merci, parce qu'il a des besoins que toi seul peux pourvoir. Donc, vu que tu vas pouvoir à ses besoins, il va se créer un attachement de l'enfant à la mère ou au père. Est-ce que tu considères que c'est une forme de domestication, ça? C'est par exemple, admettons un animal, c'est pareil. Un animal, admettons que tu tombes sur un animal, un bébé chien ou quoi, qui est donc que tu recueilles dans la rue. Tu le ramènes chez toi, tu nourris, tu satisfais ses besoins. De ce fait, il y a un attachement qui se crée, etc. Comment vous analysez? C'est une forme de domestication dans la mesure où il y a eu des enfants sauvages, etc., qui n'ont pas eu tout ça et qui, justement, sont sauvages. Quoi. Enfin, sont été élevés par des loups ou par eux-mêmes. Ou par eux-mêmes, quoi. Et qui n'ont pas subi cette... qui n'ont pas eu ces soins-là et qui ont développé autre chose ou qui n'ont pas développé, ça dépend de... Mais les enfants sauvages, souvent, ils ont survécu parce que, c'est ce qu'on lit, parce qu'ils se sont rattachés à une des animaux. Oui, et qui sont morts quand on a à tout prix voulu les en sortir, et alors que la solution... Non, mais je veux dire, c'est que les animaux les ont aidés à satisfaire leurs besoins, je sais pas si c'est vrai. Les... Romulus. Non mais il y a des besoins primaires. Non mais il y a des besoins primaires d'alimentation, etc. Qu'un tout petit bébé ne peut pas satisfaire s'il est tout seul. Et quand tu les satisfais, forcément il y a un attachement qui se crée, il y a une relation qui se crée à laquelle tu peux pas échapper. Oui, c'est une domestication, puisque l'enfant est dans la maison. Chut, Horty. Mais qui est inévitable. Qui est dans la maison, et puis forcément, c'est l'enfant qui c'est pas lui qui décide, ou suivant les endroits, c'est lui qui décide, mais ça donne des catastrophes hallucinantes par la suite, et qu'il y a bien un minimum de contrôle à effectuer pour pouvoir accepter, pour que la vie en société soit acceptable. Mais c'est pas dit qu'avec le loup, il n'y a pas ça. Et avec le loup, il y a la même chose. Finalement, l'enfant, il est domestiqué par la loup, par la recueillie, ou le singe, ou l'arbre. Moi, je sais pas, c'est sûr qu'il y a une histoire de pouvoir de l'enfant, mais je crois que le fait d'habiter ensemble avec d'autres individus, de toute façon, ça induit un rapport de domestication, mais c'est pas dans les deux sens. Voilà, dans les deux sens. Et que ce soit même entre adultes, toujours, il y a une... L'enfant peut être tyran, de pouvoir, bon, alors après, on sait le pouvoir qu'on a sur l'autre, et... Mais toujours. Enfin. Ah oui. Et ça rejoint ce que tu disais, Yves, que en fait, tout ça, ça a été dénommé avec le terme de domestication, par exemple, pour les animaux, mais que ce sont des rapports qu'on retrouve chez les humains, enfin qu'il n'y a pas de... C'est à l'extrême pour les humains et les animaux, parce que justement, il y a trop de congrès de besoins vitaux. À la limite, aussi dans les relations entre, par exemple, entre deux adultes, on peut... aussi des besoins vitaux quand on parle d'amour ou de lien, il faut être avec lui. Mais même entre adultes, même quand il n'y a pas de dépendance, il y a quand même des liens qu'on appelle affectifs, qui en fait sont des liens. Bah, c'est l'histoire là, ils avaient enfin appelé des singes qui, lorsqu'ils sont privés de leur mère, si on les élève sans leur donner une personne qui avec un lien affectif, ils laissent mourir. Donc le lien affectif est nécessaire au développement de l'individu. François. On n'a pas bien le choix, hein. Soit on verse dans l'hospitalisme et on creuse. Soit on est un enfant par définition donc tyran et ben suivant l'éducation et l'environnement dans lequel on est élevé, et ben on évolue d'une certaine ou d'une autre façon par rapport au pouvoir et par rapport à la souffrance. Donc je pense qu'il faut faire avec la matière, le matériau brut dont on est constitué, et puis avancer avec ça. Après, moi ce qui me gêne dans la notion de bienveillance, c'est que voilà, c'est que la bienveillance, c'est l'amour qu'on entend à tous les sens. Et que c'est encore une histoire de manichéenne, quoi. Oui. Est-ce que la nature c'est bien, est-ce que c'est mal, enfin, c'est plus ça. Merci. C'est une sacrée question, quoi. Une question sacrée aussi. Donc la domestication finalement ne serait que une des expressions parmi des milliers d'autres de pulsions qui sont absolument dont on est constitué dans chaque cellule et dont les échappatoires sont, pour ce qui concerne les humains, la conscience. Et c'est là où l'antispécisme peut être révolutionnaire, dans le sens qu'effectivement, se positionner contre la prédation, c'est hallucinant, quoi. Et en même temps, si on peut le faire, c'est parce qu'on a un putain d'outil qui s'appelle la conscience. Que les animaux, a priori, possèdent aussi, mais peut-être pas de la même, avec la même... puissance. Ouais, pas foutu pareil, quoi. Je pense qu'il y a une certaine forme de conscience, mais pour un tremblement de terre, ben voilà, ils arrivent à sentir à l'avance, etc. C'est une sorte de connexion directe à la planète sur laquelle ils sont, et nous, finalement, on a beau avoir les pieds sur terre, tu vois, quand on a marché ce matin, il y en a qui sont plus dans la capacité d'être en osmose avec cette planète, et puis d'autres moins, pourtant on est de la même espèce. Alors l'outil de la conscience, je ne crois pas qu'il soit réservé qu'à l'homme. Après, on a ça. Ça peut être un des arguments, vraiment, que je dis à longueur de journée, quand je dis que je suis contre la prédation, c'est compliqué à argumenter. Je reviens à la bienveillance, voilà. À creuser cette forme de bienveillance. Si on part du principe qu'effectivement il y a un pouvoir qui s'exerce dans toutes nos relations, que finalement la domestication telle qu'elle a été définie, on ne voit pas pourquoi elle se définirait que par rapport aux animaux et qu'elle n'est pas fondamentalement différente des liens qu'on a entre nous, ça n'a plus beaucoup de sens de dire on veut la fin du pouvoir, ou on veut. Bon, alors il faut voir autre chose, mais alors. C'est l'inter-espèce qui fait que là, il y a la domestication, il y a le mot bah domestication, oui. Qui prend. La différence est quand même là, quoi. Et il y a quand même ce truc de... comment eux peuvent-ils nous exprimer leurs intérêts, quoi. C'est toujours la même question. Enfin, moi, c'est ce qui me gêne avec le... Enfin, moi, je milite beaucoup dans ma vie, machin bidule. Mais plutôt dans des mouvements d'auto-organisation... Enfin, je sais pas, mais quand j'ai milité avec des sans-papiers, j'étais ce qu'on appelle un soutien, donc j'étais l'esclave et j'intervenais jamais dans leurs décisions. Parce que ça me concerne pas et que la vie des concernés est largement supérieure au mien. Dans le cas des animaux, il y a toujours ce problème-là où il faudra que ce soit un humain qui décide quel est son intérêt. Enfin, c'est évident qu'il y a des rapports de pouvoir, de séduction et des deux côtés. C'est pour ça que j'ai pas un chien et que je veux pas d'enfant tout de suite. Hein. C'est que je ne veux pas être dépendant de cette chose-là. Mais tu as et je suis pas du tout pour il s'agit surtout pas de supprimer ni d'avoir des enfants ni d'avoir des relations amicales avec des non-humains, ça c'est pas le problème, mais c'est comment ne pas reproduire quand même les modes de domestication occidentale, qu'en passe par la définition d'intérêt par des scientifiques et la gestion de ses intérêts aussi par des méthodes scientifiques. Encore une fois, la castration ou la médication des animaux domestiques, elle est dans la continuité de ce qu'on fait en élevage de viande, quoi. Il y a pas je sais pas comment on leur demande. Et en même temps, dans certains cas, c'est clairement pour le bien-être des animaux qu'on va les stériliser. Là, le vétérinaire, ouais, il parle de stérilisation de confort, par exemple. Et c'est sûr que ça existe et que c'est extrêmement courant. Et c'est même le plus courant. En même temps, par exemple, dans les milieux animalistes, il y a énormément de gens qui se font chier toute la sainte journée à essayer de stériliser des chats de rue, en considérant qu'ils ont une super sale vie. Et que bah, ça va limiter ceux qui vont devoir vivre cette vie-là, quoi. Oui, mais est-ce que ça, c'est forcément c'est pas forcément mauvais, la stérilisation. Tu vois, si on gérait les naissances, etc., de tous les chats, de tous les chiens, il y en aurait forcément moins. Toi, t'as stérilisé la chatte qui est à la Marie Vieille, quoi. Pourquoi tu l'as fait? C'est pour ça. Donc c'est pas forcément négatif. On peut stériliser un animal, sincèrement, peut-être qu'on se plante, mais pour son bien-être, pour réguler les naissances, pour... voilà, moi, ce que je trouve... quand on le fait pas et qu'on tue les chiots ou les chatons, c'est odieux, c'est cruel et tout ça, quoi. Moi, je suis pas prêtée du fait de la... Oui, moi, je suis pas pour tuer un chiot ou un chaton, quoi. Mais par contre, quelqu'un qui stérilise son chat ou sa chienne pour pas qu'elle se reproduise, parce que c'est... Mais voilà, en même temps, c'est du spécisme. Regarde, en Afrique, mais nous, on prend bien des moyens de contraception aussi, exactement comme nous. Il y a des gens qui me disent... Il y a des propriétaires qui me disent que... Ils préfèrent tuer les chiots parce que la pilule, c'est mauvais pour la chienne. Par contre, la même personne la prend pour elle, quoi. Donc c'est pas du spécisme. Ce qu'on fait pour nous, c'est pas très argumenté ce que je dis, mais qui parmi nous, s'il avait un enfant qui se rendait coupable d'une agression sexuelle, pour en éviter dans l'avenir, donc pour dans l'intérêt de son bien-être, le ferait stériliser, franchement. Enfin, voilà, je crois pas que moi je serais parent, je ferais ça. Et je vois. Pour du principe qu'il va recommencer qu'il est soignable ou pas? Ouais, bah tu sais, enfin la stérilisation chimique chez les agresseurs sexuels, beaucoup, ça a effectivement des effets, ils retournent ça en prison, etc. Mais bon, ils le choisissent, mais moi je le choisirais pas pour. Voilà, c'est le choisir pour quelqu'un d'autre qui est gênant, encore une fois. Et ouais. Et ton exemple, il est particulier parce qu'en plus tu dis pour ton fils, quoi. Tu vois, c'est un rapport. C'est un rapport filial. Là, je prends un exemple ou un truc où j'ai un autre truc que je possède, où j'aurais le pouvoir de ça, peut-être. Mais en même temps, on a en permanence du pouvoir sur les autres. Ouais, et pareil, enfin, encore une fois, avec les trisomiques, par exemple, qu'on stérilise contre leur volonté, qu'on stérilise vraiment pour leur bien-être, c'est-à-dire le seul argument, c'est leur bien-être, qu'ils ne se reproduisent pas parce que c'est des crouilles qui sont malheureux, donc il ne faut surtout pas qu'ils aient des enfants qui soient comme ça. Et vraiment contre leur volonté, quand on ne les empêche pas de niquer, ce qu'on fait quand même dans la plupart des institutions. Oui, enfin, on ne peut pas, heureusement, on n'y arrive pas, mais... On laisse faire, quoi, mais... On laisse faire, mais pas tout le monde, et il y a quand même beaucoup aussi, là, le discours du « au nom de leur bien-être, on les stérilise », et avec le cas des handicapés mentaux, on peut quand même voir qu'ils sont pas toujours pour. Hein. Ah ben on est bien voir que ça, beaucoup le refusent. Enfin, c'est quand même un vrai problème, à mon avis. C'est le problème des chats, par exemple, qu'on essaye d'empêcher qu'ils chassent, par exemple. Aussi. Ben là, c'est pas pour leur propre bien-être, c'est pour le bien-être de ceux qui sont chassés. Et ça, je comprends. Mais, de même qu'un. Mais oui, bon, mais un enfant qui tord autour une bête. La différence n'est pas très fondamentale. C'est-à-dire que ce soit pour le bien d'un autre individu ou pour le bien de l'individu lui-même, au niveau par exemple éthique, la différence elle n'est pas fondamentale du tout. Non. Non, je crois que c'est pas une question d'abolir le pouvoir, c'est simplement de savoir le détecter en chaque instant. C'est l'aile du papillon, quoi. Ce qui se passe ici, si moi je suis un papillon, j'ai pas de l'aile, ben, ça va avoir une conséquence. Là, le geste que je fais, il a forcément une conséquence sur ce qui se passe de côté de mon cœur. C'est plus puissant de penser comme ça, mais en même temps, c'est une réalité qui est purement matérielle. La question, c'est pas d'abolir le pouvoir. Déjà de le détecter, de le reconnaître, et puis après de se poser des questions éthiques et d'éthique, c'est excessivement personnel. Je ne parle pas de la morale, je parle de l'éthique, du daimon, des présocratiques qui avaient cette notion magnifique, quoi, de l'éthique personnelle. Est-ce que au sujet spécifique de la stérilisation, on en revient pas au problème qu'à partir du moment où on supprime la prédation, on est obligé de faire un contrôle des naissances. Oui, c'est ça, hein. Parmi eux-mêmes. Ou alors et une OGMisation des animaux. Pour l'homme, effectivement, vu qu'il n'y a plus de prédateurs de l'homme, tu sais bien par les maladies, etc., effectivement, on s'auto-contrôle les essences. Oui. Donc, il y a des personnes qui ont fait des choix radicaux sur certaines parties de la Terre et qui ont décidé, ce qui peut nous apparaître à nous comme fataliste, de laisser toute nature se reproduire. Et effectivement, après, ça rejoint les cathos qui font des gamins et qui font contre l'avortement, et leur position peut s'entendre aussi dans ce sens-là. Où, voilà, après chacun se positionne par rapport à ça, mais il y a des castes en Inde ou au Tibet ou je sais pas où qui décident que toute vie doit se vivre et que si au bout d'un moment la Terre, ce qui se passe d'ailleurs, est surpeuplée et d'humains et que si nous on décide que les animaux peuvent se reproduire comme ça, comme ça, comme ça, et ben inévitablement les deux conséquences c'est que ça va imposer et que la deuxième, la souffrance va augmenter d'autant. Non mais le souci de la domestication c'est que lorsqu'on laisse des animaux dans l'habitat naturel, il y a la prédation, donc il y a un contrôle naturel de la démographie. Tandis que quand on amène les animaux dans notre habitat à nous, il n'y a plus de contrôle de la démographie. Quoi. Si tu ne fais pas stériliser... Il n'y a plus d'état naturel non plus, au sens où il pouvait exister peut-être à l'aube de l'humanité, il n'existe plus. Voilà. Il n'a jamais... Enfin, vous avez dit, moi, c'est vraiment super, vraiment... extrêmement intéressant. Bon, c'est un constat de la relation que l'espèce humaine entretient avec les autres espèces, notamment animales. Mais il y a une question que j'aimerais bien vous poser. Bon, je sais bien que vous n'avez pas la réponse, mais peut-être que vous y avez quand même réfléchi. Et quels seraient, selon les critères de l'antispécisme, une relation possible à l'animal aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, la relation entre ce que pourra avoir l'homme vis-à-vis de l'animal ou l'animal vis-à-vis de l'homme, toute espèce confondue. Enfin, moi, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait, je vis avec, je vis chez mon chien, chez mon chat. Moi, j'ai la chance, ou la malchance, je ne sais pas encore, de vivre, je le dis souvent, chez les animaux. Hein. J'ai une multitude de chats, de chiens, d'autres espèces animales domestiques, un bœuf et des moutons. Et je dis toujours, au début, sous forme ironique, pour stimuler peut-être un peu les personnes qui étaient étonnées de voir je vis chez eux. Hein. Je suis sur leur plateforme, je vis chez eux. Et en ce sens, c'est vrai d'une certaine manière. Quand ils ont squatté donc, un fauteuil, quand ils ont squatté une chaise, bon, je m'assois par terre ou je prends la chaise à côté, et si elle est vide. Et force est de constater quand même que ce n'est pas non plus le mode de relation idéal. Parce que si le pouvoir est peut-être inversé, hein, et encore parfois des osmoses, d'équilibre qui s'installent, et bien entre les espèces non humaines, bien je m'aperçois qu'il y a ce rapport de pouvoir contre lequel on essaie de démonter et qu'on va bien remplacer par autre chose, entre ces espèces, ce rapport de pouvoir se met en place. Mm-hmm. Il y a par exemple, c'est des choses précises, moi j'ai un mouton maintenant qui est âgé, mais j'avais des moutons qui vivaient, donc avec le chat et avec le chien dans la maison. Et puis il était arrivé une fois, qu'un chat aille attaquer, bouffer un petit peu le mouton. Bon, heureusement il est toujours vivant, mais il y a quand même cet instinct de prédation. Adapté, hein, ce constat de prédation que l'on observe. Alors une question que j'aimerais bien poser à tout le monde, malheureusement je ne pense pas qu'il y ait de réponse toute faite. Quelle est la relation que l'on pourrait imaginer, qui serait idéale, qui se rapprocherait de la relation idéale que l'homme, bien que ça me gêne de parler de cette manière-là, pourquoi dire l'homme pourrait entretenir avec l'espèce, je préférerais plutôt dire que les espèces vivantes pourraient entretenir entre elles. Quel est le qualificatif qu'on pourrait attribuer, ce qualificatif dominant que l'on pourrait attribuer à ce rapport, à cette relation? Qualificatif et dominant ou mal barré? Oui, mais bon, dominant, c'était dans le sens le plus largement celui qui arrive en premier, je voulais dire. Nous, c'est qu'il n'y a que des cas particuliers. Je sais pas, moi, il y a un mot que tu as dit, c'est le mot équilibre qui m'intéresse. Quoi. Qu'est-ce que l'équilibre? Je répondrai par une autre question. Qu'est-ce que l'équilibre? Oui. L'équilibre, c'est une suite, je crois, de déséquilibre. Voilà. Je crois que l'équilibre, c'est le déséquilibre. Oui, est-ce que c'est satisfaisant? Mais le chaos aussi, c'est une suite de déséquilibre. Bah oui, mais le chaos est constitué. Nous sommes constitués de vide. Et pourtant, il n'y a que du plein autour de nous. Et on est constitué de vide. Ouais. Mais bon, moi, c'est vrai que bon, tout ce qui a été dit, c'est un passage obligé, parce que c'est extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant. Mais au-delà des mots, moi je suis peut-être plus concret, tout simplement parce que je vis au quotidien la relation à l'animal. Hein. Je parlais tout à l'heure des phases contextualisées. Moi, c'est mon quotidien. Hein. Je prends le pouvoir, je le fais, j'en ai conscience, sur des espèces animales, parce que les animaux qui sont avec moi sont stérilisés. Hein. Je prends ce pouvoir sur eux, non pas pour vivre mieux avec moi-même, parce que moi, ça ne viendrait pas qu'ils ne le soient pas, mais tout simplement pour leur permettre à eux de vivre mieux. Un exemple tout simple, actuellement, j'ai une trentaine de chiens qui vivent avec moi, qui vivent tous en vrac. Comme ici, il y en a une dizaine. Il y en a 30 qui vivent en vrac. C'est évident que s'il y en avait 30 qui n'étaient pas stérilisés, qui vivaient ensemble, il y aurait des... Bon, ce serait plus difficile à gérer pour eux, et puis, bon... Moi aussi, qui vit avec eux. Donc les chats que l'on fait stériliser au quotidien, donc le but réel, le but avoué, le but connu, c'est pour le bien-être de l'individu chat. Hein, parce que quand quelque part sur la planète, il y a de la place, disons, pour schématiser sur un million de chats, quand il y en a 10 millions, ben, il y en a 9 millions qui souffrent. Ça, qui ça et qui meurent la plupart du temps dans des souffrances qu'on ne voit pas. Hein, le quotidien que je connais, peu de gens le connaissent. Hein, le chat qui est empoisonné, le chat qui est aux pièces, le chat qui meurt dans les fourrières, c'est 80-90% de l'espèce féline qui subit cela. Mais on ne le voit pas. Enfin, nous, on le sait parce qu'on va dans les endroits où ça se passe. Mais pour le commun des mortels, ce n'est pas visible. Alors, bien sûr que agir de cette manière-là, en mutilant l'individu, c'est un geste que je ne fais pas avec plaisir, mais j'ai le sentiment pour l'instant que c'est le seul geste qui peut leur permettre de vivre moins mal. Alors, mais j'aimerais, moi j'en ai pas d'idée, hein, j'aimerais que ce geste puisse servir, pas juste être un moyen d'accéder à une relation, je ne sais pas, idyllique, un âge d'or entre les espèces. Cet âge d'or, je n'arrive pas à le formaliser, je n'arrive pas à le concrétiser. Alors, si quelqu'un a une idée à proposer, mais bien sûr. Mais, moi, j'ai moi, pas je voulais poser une question. Non, vas-y. Non, je voulais juste demander si. Je connais pas en fait les méthodes de stérilisation vraiment, mais. Chez le chat mâle, par exemple, il y a des méthodes de stérilisation qui ne sont pas de la castration? Ils ont leur position sexuelle, sauf la capacité de se reproduire. Okay. Chez la femelle, non. Okay. Ouais, parce que c'est encore, enfin, à mon avis, c'est deux problèmes différents, encore une fois, la castration et la stérilisation. Enfin, je voulais juste donner un exemple, parce que je ne veux pas avoir l'air dogmatique, c'est pareil, je ne rejette pas la castration. À part la castration d'office, d'usage, mais bon, ça, je pense pas. Là, c'est pas intéressant de. Les castrations de confort, c'est ça, toutes les, ou les mutilations esthétiques pour que les chiens soient jolis. Je pense pas que c'est des trucs qui nous concernent, nous. Ça, il faut purement l'abolir. Enfin, de même, beaucoup commencent à être interdites, etc. Ouais, mais beaucoup se pratiquent encore. Toutes, t'es sûr? Ok, je suis content de l'apprendre. Mais même. Voilà, c'est ça. Bon, après, les usages changent assez lentement, tout ça. Blabla. Après, il faudrait parler aussi d'un certain nombre d'espèces qui, par définition, vivent du mal-être. Enfin, la quasiment totalité des bulldogs qui a des problèmes respiratoires parce que leur modification de visage les empêche de respirer. Là, c'est des contraintes mécaniques. C'est un peu débile de les sélectionner comme ça, mais c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai il y a 3 ans, j'avais récupéré un chien qu'on avait donné en fait à la mère de mon colocataire, donc qui était le chien d'une chienne assez proche de nous, qui avait fait un chien avec un setter irlandais. On pensait qu'elle en aurait très, très généticien. On s'était dit que ce serait un chien moyen, vu que le fils d'un grand et d'un petit, c'était un chien absolument géant, vraiment énorme. On l'avait donné à la mère de mon colocataire qui n'arrivait pas à avoir une relation saine avec lui. Elle se faisait totalement dominer, il était énorme, quand il voulait jouer avec elle, elle tombait. Donc elle nous a demandé si on pouvait essayer de le donner, ça a duré assez longtemps, on n'y arrivait pas. Finalement, il y a eu une date butoir où il devait soit partir à la SPA, soit on le récupère, ce qu'on a fait. Donc on a dû partager sa vie dans 40 mètres carrés à trois humains et un chien à Paris, ce qui était assez compliqué pendant 6 mois, où évidemment on ne trouvait pas d'endroit correct ou à qui le donner. Et on a fini par le donner là dans le Lot. Enfin là je viens d'aller voir le chien en fait. On l'a donné à une famille d'urbains qui s'installaient à la campagne. Enfin, on avait été au marché avec une étiquette chien à donner d'urgence, une connerie, je ne sais plus ce que c'était. Enfin bon, qui étaient vraiment très. Enfin des gens vraiment très gentils qui semblaient. Semblait très bien. Et là, on a été les voir. Effectivement, il était vraiment très très bien dans une propriété absolument énorme. Il était toujours dehors. On avait un peu peur parce que c'était vraiment comme il avait été mal éduqué entre guillemets. Il avait des problèmes d'obéissance. Il testait ses maîtres tout le temps. Donc voilà, elle avait été. Quand il était très peureux, donc quand il était apeuré, il pouvait aussi mordre. Enfin bon, on avait un peu peur qu'il y ait eu des vrais problèmes avec ces trucs-là. Et en fait, ça c'est vraiment. Bon, il y a eu des vrais problèmes. Il a tué un des vieux chats qui était là, par exemple. Mais petit à petit, ça s'est installé. Ils ont eu un nouveau chat. Maintenant, ils dorment tout le temps ensemble. Il est dans une grande propriété. Enfin vraiment, hein, il a des très bonnes conditions de vie. La seule chose. Ils ont réussi à peu près à l'éduquer sans problème. Le seul problème, c'était que quand il y avait la femelle d'à côté qui était en chaleur, elle devenait beaucoup moins contrôlable, entre guillemets. Et qu'un jour où elle venait d'avoir un enfant et qu'elle l'avait dans les bras, la maîtresse s'est fait bord de la main. Et donc voilà, elle a eu recours à la castration pour éviter ce problème dans l'avenir. Mais donc c'est là où c'est compliqué, c'est que à la fois c'est pour son bien-être, parce que je veux dire, vu les conditions qu'il avait avant, clairement dans cet endroit il est très très bien. Ses maîtres, quand on en parle, pour lui c'est vraiment ça. Je sais plus, quelqu'un était avec nous un peu à l'ouest, dirait qu'il serait triste parce qu'il faisait partie du décor. Elle, non, il fait partie de la famille. Enfin c'est vraiment, il a une vie plutôt correcte. Maintenant, enfin, cette mutilation-là, elle est faite pour que le bien-être continue, mais dans cette condition-là imposée, de toute façon. C'était malheureux, le chien. De même que beaucoup de chats sont castrés pour qu'ils reviennent. Et ça a rapport au bien-être du maître, pas, enfin, la volonté de retenir. C'est complexe, parce que c'est à la fois le bien-être du maître pour supprimer son inquiétude que l'être cher ne réapparaisse pas, mais aussi on peut se dire que c'est. Pour éviter que l'accident que l'animal, le chat va nécessairement connaître sous forme d'une voiture, d'un piège ou d'un poison, on a dit le chat libre. Le débat sur est-ce qu'il est heureux, moi je pense toujours qu'il est moins malheureux que s'il n'était pas dans ces conditions-là. J'ai trois chats que j'ai ramassés dans la rue, si je les avais pas. Chez mes parents, tous les chats mâles, ils sont peut-être pas les plus heureux, mais un an, deux ans. On les a jamais revus. Non, mais pour sûr. Et pour sûr là. Ils sortent pas de la maison. Et voilà. C'est un monde qui n'est pas sans danger pour les espèces les plus faibles. À savoir, bon, on le sait bien. Mais pour tout vivant, oui, mais c'est comme interdire à sa fille de sortir parce qu'on voit de plus en plus de serial killers à la télé. Les délires de protection sur les enfants, en ce moment, ils sont assez flagrants. Il n'y a pas une discussion avec des parents où tu n'entends pas, avec ce qu'on voit, pour justifier des processus de contrôle de plus en plus grands. Et là, ça en fait partie. Moi, j'ai une... Le risque de se faire écraser, etc. Mais oui, la liberté, c'est... À mon avis, c'est quand même un facteur de bonheur, la libre circulation qui me semble assez indéniable. Par rapport au problème et l'enfermement, un facteur de malheur. Par rapport au problème que pose la domestication de façon générale, il me semble en tout cas, pour moi politiquement, il y a un truc qui est très clair, c'est cette notion de propriété qui est à abolir. Propriété de l'animal, le fait que c'est un individu qui a tout pouvoir dessus. Ça me semble quelque chose, tant que ça existera, c'est un verrou central de, qui va à l'encontre de la prise en compte de, des besoins de l'animal, etc. De, au niveau social, là je parle au niveau de l'organisation de la société, au niveau de ce que ça implique. Et ça, ça me semble être un objectif politique extrêmement important, l'abolition de la propriété des animaux, du fait que ce sont des biens qui sont bah voilà, qui sont échangeables, enfin non pas échangeables, mais qui sont oui si qui sont vendus, qui sont des marchandises, qui sont des objets bien mobiliers, un bien meuble, ouais. C'est un bien meuble, ouais, c'est des biens mobiliers. Ça me semble clair. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, en tout cas pour l'instant, dans l'absolu évidemment. Non mais attends, pour l'instant ça veut rien dire, parce que pour l'instant on n'obtiendra jamais ça. Et moi je parle d'un combat politique pour ça, c'est un combat de transformation de cette société. Non, mais le combat politique pour cette transformation-là, je crois qu'il y a d'autres combats qui doivent être menés avant, parce que si rapidement donc, l'animal ne devient pas la propriété, comme ça actuellement, d'un humain, eh bien, c'est une perte en tout cas pour l'animal, si ce n'est pas remplacé par un autre statut faisant, c'est une perte, parce qu'actuellement, c'est évidemment trop peu, mais grâce à ce statut-là, pouvoir évoluer, bien sûr, grâce à ce statut, on peut déposer une plainte contre quelqu'un qui commet un acte de cruauté ou un acte de mauvais traitement à un animal. En étant seulement l'animal domestique. Hein. Mais on pourrait le faire tout aussi bien. Ça a commencé par l'interdiction des violences publiques avant que les animaux soient forcément possédés. Hein. Les lois de protection. Je sais qu'à un moment donné, j'ai lu un ouvrage à ce sujet, c'est assez intéressant, parce que dans Paris, il y a des animaux qui étaient eux-mêmes conduits au tribunal. Oui, les tribunaux d'animaux. Ouais. Parce que, ils, oui. Qu'est-ce que c'est, moi, je peux en parler. Mais il y avait beaucoup d'animaux, effectivement, qui n'étaient pas, c'est au Moyen-Âge, ouais, qui n'étaient pas possédés et qui se baladaient. Et il y a eu des tribunaux. Mais pour qu'il n'y ait plus ce pouvoir, cette possession, il faudrait que le rapport de dépendance qui est obligé pour l'instant. On voit tous, celui-ci, s'il ne fait pas bouffer, ça va pas aller. Hein. Il peut être qu'il se démerdera, bon, et encore, c'est pas sûr. Hein. Donc, tant qu'il y aura ce rapport de dépendance de l'animal vis-à-vis de l'humain, hein, je crois que le pouvoir que l'homme, enfin, la possession est inévitable. Qu'elle puisse, qu'elle doive évoluer, c'est une évidence. Oui. Hein, c'est évidemment le premier. Mais, enfin, avant que le pouvoir. Il y a une sorte de symbiose en fait. Bah oui, mais oui. La symbiose, oui, bien sûr, c'est ce vers quoi il faudrait tendre. À la limite, en de rares moments, quand je suis chez moi, le soir, quand tout est calme, quand il y a les chats qui sont sur les coussins, les chiens qui ont fait pas d'affiner, la brebis qui fait son petit tour, bon, le tout va. J'ai l'impression qu'on pourrait atteindre cet âge d'or auquel je rêve un peu naïvement. Hein. Mais au lever du jour, quand je vois bien qu'ils deviennent tous hystériques parce qu'il y a un chien qui passe dehors, qui vole le bouffer derrière le chaussure, je rêvais pendant une nuit, et puis, voilà, je me contente de ça. Le rêve, ouais. Dis-toi, moi quand je parle de la... Les rêves, contrairement aux fantasmes, sont faits pour être réalisés. Maintenant, la relation avec un animal, il y a échange et partage qu'on peut évoquer. Quant à l'abolition de la propriété d'un bien, on peut transformer la notion de bien d'animal en être sensible. Et puis peut-être, pour atténuer, dire on n'est plus propriétaire, mais responsable. Proche du statut des mineurs. Mais oui, voilà, je voulais en venir là. Mais voilà, on un statut de tutelle. Mais effectivement, ça pose problème quand même. Mais c'est déjà autre chose. Il y a des droits et devoirs. Enfin, je veux dire, la notion de responsabilité. Il y a une notion de responsabilité et de devoir par rapport à l'être dont tu es responsable. Mais ensuite, parce que moi, j'avais pas fini. Hein, c'est que il me semble que politiquement, abolir ce statut de propriété de bien. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc important. Ça peut être remplacé, effectivement, au moins dans un premier temps, par une sorte de statut de tutelle. Mais il y a un autre truc qui me semble vachement important, qui est plus au niveau politique, mais au niveau social, je ne sais pas dans quelle mesure il s'agit d'un truc complètement fantasmatique ou pas, mais c'est cette histoire de lutte. On vit dans des sociétés de domination. On est structuré dans le fait de se définir, de se poser en s'opposant et de se définir en termes de valeurs comme supérieures ou inférieures, etc. C'est un truc vraiment super. Ouais. Je pense que aucun humain n'échappe à ça. Est-ce que ça signifie que c'est quelque chose qui peut changer socialement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une autre organisation de la société qui fasse qu'on puisse se définir soit autrement que en s'opposant et en se posant comme supérieur ou inférieur, je ne sais pas, mais il me semble qu'en tout cas c'est quelque chose vraiment à chercher à développer, sans quoi toutes les relations qu'on peut nouer seront marquées de ce truc-là, qui à mon avis a très facilement des conséquences qui se révèlent monstrueuses, quoi. Mais les conséquences, ça peut être un génocide de ci, de là, ça peut être le fait de parquer les animaux dans des petites boîtes pour les engraisser, pour s'en nourrir, etc., quoi. Moi, il me semble qu'en tout cas, le problème fondamental, c'est essayer d'aller vers un autre type de construction humaine, en fait. Ça, c'est un problème qu'on pourrait appeler politique, mais ou plus globalement, qui est un problème social, et peut-être même un autre mot, parce que peut-être qu'à ce moment-là, c'est autre chose que les sociétés telles qu'on les connaît qui existeraient. Quoi. Après, peut-être que cette construction, elle s'est faite de manière graduelle, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a peut-être des critères acceptables à se fixer pour ce que tu disais, c'est-à-dire pour la vie avec les animaux domestiques. Tout en effectivement réfléchissant sur un absolu. Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais, donc moi je suis d'accord sur le principe, il y a des gradations. Par exemple, le fait déjà d'être, de ne pas consommer, d'échapper au circuit traditionnel, de ne pas d'avoir une relation différente individuelle à l'animal en refusant, par exemple, de consommer, enfin, de l'utiliser sous quelque manière que ce soit. Les personnes qui sont végétariennes et qui sont végétaliennes ont un petit peu cette démarche. Les raisons initiales ne sont pas toujours les mêmes, mais quand même un degré. Mais malgré ça, quand tu atteins ce degré-là, je pense que chacun d'entre nous, à un moment donné, est confronté à un dilemme. Donc moi, je le suis depuis très très longtemps. Quand j'ai deux chats et des chiens, je pourrais peut-être, mais les chiens ont été végétariens pendant des millénaires, je contribue à c'est super leur faire, en fait, à considérer que ça gâchait leur caractère, de leur donner de la viande. Et ça, c'était un mec très très riche. Enfin, toi, il était même les bouffons, les balles de la chienne, les garçons, pour s'alimenter, ils ont besoin, ils ont besoin de manger personne. Donc j'ai ce dilemme-là. D'un côté, je de ce type de relation vis-à-vis de prédation vis-à-vis de l'animal, et d'un autre côté, je le confirme, c'est de dire où sous prétexte que c'est des espèces qui sont domestiques, donc qui vivent peut-être plus près de moi, puis d'autres animaux à bouffer. C'est ça qui est une première contradiction. Je pourrais la régler en disant, bon, ok, je donne autre chose à manger, et bon, bah, ce type d'aliments vegan sont tenus pour le marché en Angleterre. Oui, c'est juste un détail que je voulais dire que j'avais vu dans les en regardant les trucs sur la domestication, c'est qu'apparemment justement le chien pendant des millénaires, donc une bonne au moins 11 millénaires, était plutôt végétarien, dans le sens où la viande était un produit de toute façon très très cher, réservé aux élites, donc c'est pas les pauvres qui allaient donner de la viande aux animaux. Bon, ça c'était un fait. Les bergers, c'était la pire caste en France. Ils étaient méprisés, y compris par les paysans. Et ils donnaient surtout pas, ils nourrissaient même pas leurs chiens d'ailleurs. Mais ceux qui les nourrissaient, au moins jusqu'au fin du 19e siècle, c'était avec des galettes de céréales. On considérait entre autres que la viande allait changer leur caractère et c'était nocif pour lui. Enfin voilà, c'est pas du tout. Et il n'y a pas, comme il n'y a pas de naturalité de carnivore de toute façon. Là, tu as tout à fait raison, puisque mon mari veut le constater. Récemment, j'étais en Serbie, on a visité, on a travaillé dans plusieurs refuges où pour des raisons économiques, les chiens n'avaient quasiment jamais de viande à manger. Bon, il s'avère que malgré tout, il y a quelques carences, on est avec une équipe de vétérinaires, quelques carences qui ont été observées. Mais l'espèce, elle peut néanmoins vivre sans viande. Dans des cas extrêmes, il m'est arrivé de recueillir des chiens qui n'avaient été nourris pendant des années, que de pain trempé dans du lait. Pendant des années, c'était la seule. Oui, au 20e, c'est eu beaucoup ça. Bon, pour le chien, c'est, je pense que c'est possible. Pour le chat, plus discutable. En tout cas, pour l'instant, dans le degré d'évolution qui est le leur. Mais enfin, il n'y a pas de naturalité des régimes alimentaires. Enfin, je vais faire un double exemple, justement. Enfin, moi, par rapport à ce qui me vient sur l'exercice d'un pouvoir positif sur l'ensemble des animaux, parce que finalement, Yves, ce que tu parlerais des fois, ce serait d'étendre la domestication à l'ensemble des animaux, voire la zootechnie, c'est-à-dire améliorer les espèces dans le sens de leur bien-être. Qui est un truc dans ce bouquin-là qui s'appelle « Quand le loup habitera avec l'agneau », c'est un truc assez vieux. Il y a un article sur les antispécistes qui reprend qui parle d'un article de qui ? De André Méry, qui est paru dans les cahiers antispécistes, et qui le présente comme une continuité d'un biologiste catholique qui a existé avant Darwin. Et en gros, en substance, il considère que dans la Bible, il y a l'homme dirige les animaux, et dans l'Apocalypse, il y a le loup habitera avec l'agneau et l'enfant les tiendra par la main. Et il considère qu'une prophétie, le rôle des hommes est de l'appliquer. Et que le rôle de la biologie, c'est de créer cet état de fait-là. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est une histoire des animaux pour rendre les animaux beaucoup plus humains, et qu'on se mette à les prendre en considération, et que naturellement, on essaye de changer leur comportement dans le sens de la paix. Donc c'est un truc qui est assez vieux, en fait. Ce truc-là. C'est de l'eugénisme positif. C'est de l'eugénisme positif pur et dur. Non, mais encore une fois, moi, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Et au-delà de ça, qui me semble totalement irréalisable, parce qu'on est quand même très, très, très prétentieux. Enfin, on change les animaux, mais pas volontairement. Enfin, de toutes les influences qu'on a sur. Il y a des influences sur tous les animaux qui côtoient l'homme de près ou de loin, et la plupart de ces influences ne sont pas contrôlées. Par exemple, il y a un perroquet en Nouvelle-Zélande qui s'appelle le keas, qui était très très populaire il y a un siècle parce qu'on le trouvait très intelligent, il était joueur, il était capable de démonter des petits outils, etc. Après, c'est développé la ville où il est très très présent autant que les pigeons. Et il a gardé le même caractère joueur de démontage et tout, sauf qu'il le fait sur l'ensemble des voitures. Il rentre dans les appartements, il le fait sur les télés, etc. Ça, c'est pas du tout populaire. Et une autre modif qui va, pour le coup, pas du tout dans le sens d'Yves, c'est que c'était un animal qui était végétarien et qui, on sait pas trop comment, mais soit parce qu'il y a des plantes qui ressemblent à de la laine, soit par hasard il s'est mis à jouer avec un mouton vivant et il s'est aperçu qu'il adorait le rein des moutons. Mais en tout cas, ils sont mis à manger tous les reins, ils sont mis à manger les moutons au niveau du rein, les moutons vivants. En plus, c'est une souffrance absolument atroce. Et du fait, rien que par le changement des conditions imposées par les humains, ils ont changé leur système alimentaire et ils ont changé leur comportement. Donc de toute façon, en plus, nos influences, elles ne sont pas maîtrisables. Elles sont pas maîtrisables. Hein. Elles peuvent venir a posteriori, là, c'est intéressant, parce que les chercheurs qui les étudient sont plutôt intéressants. Ils sont battus pour qu'il n'y ait pas des primes d'abattage, mais plutôt pour qu'on tonde les moutons pour qu'ils ne puissent pas s'accrocher et qu'ils les bidulent. Vous pouvez éviter de les introduire en France, c'est clair. C'est compliqué, hein. Je veux revenir sur un sujet un petit peu plus terre à terre, je sais pas, un peu moins. Mais je sais pas si c'est un rapport extrêmement direct, mais il faut savoir ce que vous pensez, par exemple, à la domestication très en vogue, par exemple, de nouvelles espèces. Les naques. Vos animaux de compagnie. Voilà, sur ça en fait. Juste de savoir ce que vous pensez un petit peu de cette espèce de nouveau mouvement et de ces animaux dit vos animaux de compagnie, quoi. Voilà, c'est souvent des animaux exotiques. Dans la plupart de... Des reptiles. Ouais. Et là, lorsqu'on parle de domestication, je crois que ça touche. Les mammifères, ou peut-être les oiseaux, je sais pas, sont des animaux qui sont peut-être plus susceptibles justement d'être touchés par cette domestication. Et c'est pas tout à fait applicable pour les reptiles, pour le cerveau reptilien, je sais pas. Je sais pas si c'est une question de cerveau. Apparemment, il y a peu d'espèces qui sont pas domesticables ou au moins apprivoisables. Enfin, dans la pratique, je trouve ça horrible. Enfin voilà, un vivarium. Ouais. Voilà. Enfin, les personnes qui ont voulu avoir des reptiles et qui en ont, ils peuvent affirmer que c'est absolument pas des animaux domestiqués. Enfin, quand eux, c'est ce qu'ils disent, et qu'ils le disent, ça n'en sera jamais. Parce que la plupart du temps, c'est des espèces qui sont interdites à passer la frontière. Pas forcément des iguanes, par exemple. Moi, ouais, non, mais moi, ce que j'en pense, c'est que c'est des animaux très instinctifs, les reptiles, et que je pense pas qu'ils puissent être heureux en contact d'humain. Pas dans un aquarium, de toute façon. Voilà, en plus, et même, il y en a une laisse en liberté dans une maison, mais je pense pas que. Alors que tu penses qu'un chien peut être heureux. Oui, plus. Ouais, moi, je pense que oui, ouais. Bah, le chien recherche quelque chose quand même. C'est pas ça le problème. Il donne l'impression, en tout cas. Ils sont déjà domestiqués, on doit faire avec. Il faut que les espèces qui ne sont pas domestiquées, il ne faut forcément pas les domestiquer. Bah, peut-être que si, à force d'essayer, ouais, c'est ce que viendrait. C'est tout le temps les espèces qui viennent d'ailleurs, ouais, pendant le transport, pouvoir, dans les trois temps. Moi, c'est ce que j'aurais répondu avant de connaître Yves, disons. Enfin, avant d'être perméable au discours sur les animaux sauvages. Sur la non-partition entre nature et sauvagerie, ou espèce domestique et espèce sauvage, finalement. Enfin, bon, voilà, encore une fois, concrètement, tous ces trucs qu'on met dans des vivariums, voilà, ils n'ont pas de vie, c'est horrible, et c'est pas du tout admissible. Mais finalement, je vois pas pourquoi... on peut pas faire le partage entre des individus avec qui on pourrait vivre et d'autres pas. Donc, dans l'absolu, il y a sans doute des relations d'amitié qui sont développables avec des reptiles, hein, moi, j'en suis à peu près sûr. Mais qui prendront pas la forme de la domestication qu'on utilise dans les NAC, hein, par contre. Je pense qu'il faut. Ça, c'est évident. Non, mais les NAC, ça, c'est évident. Ils ont un statut de propriété de biens. Ils sont vendables, ils sont traficables, ils sont tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai, c'est un truc bien particulier. Horrible, maintenant, par exemple, moi, je vis à la campagne. Il y a plein de serpents et de lézards autour de chez moi. Ça ne paraît pas invraisemblable. Il y a un lézard, par exemple, un gros lézard vert magnifique qui vient de temps en temps, mais vraiment tout près, quoi. Hein. J'ai pu. Et ça ne paraît pas impossible qu'un jour je puisse le caresser, qu'il vienne manger des trucs, etc. Un serpent vient chez toi. Tu peux développer des rapports avec lui, mais l'enfermer dans une boîte, aller l'acheter dans un magasin et l'enfermer dans une boîte, c'est différent. Ça, c'est un rapport de propriété. Voilà. C'est ce que j'attaque dans le rapport qu'il y a dans notre société. Mais c'est le cas pour les animaux. Ce rapport de propriété, comme ça, tu dis c'est un statut bien particulier, celui des nerfs. C'est le même pour un chien. Ah oui, non, je disais c'est un statut bien particulier par rapport à lui. J'avais l'apprivoisement. Ce qui m'inquiète dans l'apparition des NAC, c'est que c'est révélateur d'une psychopathologisation qui s'accroît, la mentalité humaine en général, parce que voilà, comme tu dis, c'est des animaux très instinctifs. Et je pense que ça me parle surtout que l'être humain cherche désespérément des identités nouvelles et que la façon qu'il a de chercher ça, moi, m'inquiète. Enfin, montre que la société est de plus en plus malade, que l'être humain psychiquement est de plus en plus malade. Moi, je trouve que c'est un désir un peu égoïste de faire ça, c'est de domestiquer tout ce qui vient à portée de main, quoi. Je sais pas. C'est le truc de ce qu'on disait sur le pouvoir sur la nature, quoi. Parce que quand on regarde les gens qui ont des reptiles comme ça, on voit purement que c'est un peu égoïste parce qu'ils adorent les reptiles, ils en veulent un chez eux, mais c'est pas vraiment pour lui, c'est pas son bonheur, c'est pour le leur. Comme les adolescents gothiques se targuent quand tu leur poses la question. Les animaux qu'ils préfèrent, ils vont répondre les rats, les migales, machin. Bon, un adolescent aussi qui répond ça, c'est évident que c'est une façon d'attirer l'attention. Effectivement, là, c'est un dégoût d'existence. Dire avoir un animal, ça permet aussi des liens sociaux dans notre société aujourd'hui. Ouais, c'est de l'autre. Tu vois, évidemment, il y a plein de gens aussi qui ont des animaux pour avoir des amis parce qu'ils vivent mal la solitude. Et que dans la rue, ils vont créer du lien. Bon, mais donc ça parle d'une maladie sociale, d'une maladie de l'humain. Une maladie sociale. Ou avant, on avait peut-être moins besoin de ça parce qu'on vivait plus dans la famille, etc. De même, nos comportements avec les personnes vieilles, avant ils étaient intégrés, maintenant ils sont dans des maisons de retraite. Ça parle d'une évolution de la société, de la démographie qui galope et du coup des conséquences, et puis aussi politiquement d'un consumérisme qui fait qu'on est de plus en plus individuel. Enfin, ça, ouais. C'est global quoi. Mais c'est moins. Mais le problème, oui, c'est que c'est pas des espèces non domestiquées. Enfin, c'est vraiment les conditions qu'on leur impose, le fait qu'on les possède. Enfin, voilà. Qui... Moi, je pense pas qu'on puisse vraiment avoir les mêmes relations qu'avec un chien, par exemple. Non, pas les mêmes. Vraiment, mais vraiment un degré vraiment beaucoup moins. Beaucoup moins grand quoi. Bah, on s'en fout. Ce sera pas la même relation. C'est pas la question parce que. Alex. Bon, le problème c'est que l'arbitre ne parle pas. C'est un peu le défaut. Mais effectivement, si l'animal peut venir et dominer un lien avec l'humain, pas de problème. Oui, tout à fait. Il ne faut pas de la domestication rapport à l'animal. On entend. Plus rien là. Pour il est contrôlé. C'est bien de savoir si les animaux d'eux-mêmes, les chiens d'eux-mêmes, un chien sauvage ou un chat qui n'a pas décidé lui-même de s'attacher à un chien. Je ne pense pas que ce soit le cas dans le serpent, par exemple. J'en sais rien, moi non. Non, mais il faudrait déjà voir. C'est très intéressant avec les lézards, pourquoi pas. Mais ça le faisait, j'avais un bon contact avec eux. Mais est-ce que ça peut aller plus loin? Est-ce que certains vont décider de s'installer en profitant du confort qu'il peut avoir? C'est vrai que le chat s'installe dans un foyer, il voit son intérêt direct. Il y a beaucoup de chiens qui sont libres et qui décident. Il a mis deux millénaires quand même. Il dit bah ouais, c'est vachement plus cool, j'ai bouffé tranquille, je vais pas me faire chier à les chasser. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'animaux qui ne sont pas choisis, qui choisissent l'endroit, oui. la famille à laquelle ils vont se rattacher. Comme quoi, il y a des comportements parfois libres d'animaux qui ne sont, sont pas ceux dont on a l'habitude. Il n'y a pas le sens, il n'y a pas la propriété qui intervient là. Oui. Mais après, c'est rarement, même dans la manière qu'ils ont de parler des premières domestications, c'est rarement... altruiste ou une rencontre par hasard comme on se rencontrerait dans la rue. On situe en général les premières domestications à des sociétés de chasseurs qui ont abattu les parents et dont les femmes ont élevé, y compris au sein, certains enfants quoi, et qu'on aurait des... Enfin tu vois, c'est quand même, il y a quand même... Il y a un autre système, un autre schéma qui existe, qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, un critère je pense pour dire dans quel cas on peut faire la domestication, dans quel cas on ne peut pas... Mais par contre, je pense qu'il est important quand on critique les nags de ne pas le faire sous l'angle qu'il y aurait des espèces qui sont plus domesticables que d'autres. Ou, parce que finalement, y a une, dans les critiques de la domestication, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup, y compris dès le début avec Geoffroy Saint-Hilaire, où on la considère comme une dégénérescence. Enfin, là aussi, c'est de l'eugénisme, mais négatif cette fois. Donc, on considère qu'il y a une perte de comportement, qu'il y a une perte de patrimoine génétique. Dès qu'il y a influence de l'homme, et ça, à mon avis, c'est une vraie idéologie... idiote. Pour en prendre un exemple justement dans un domaine qui n'a rien à voir, hier on parlait d'Arlo dans les expériences dans les expériences qu'il faisait sur les singes rhésus là justement et où effectivement moi je pense qu'on a, enfin dans ces expériences je pense pas qu'on ait appris grand chose et surtout pas sur les macaques. Et plus tard il y a eu pas mal de féministes qui sont devenus primatologues, notamment John Goodall avec des chimpanzés et Schtroum avec des babouins, et qui ont étudié ces bêtes en créant un lien, notamment par la nourriture. Enfin, Goodall, ça a commencé, il venait voler des bananes, après elle restait dehors, elle finissait par lui donner, etc. Et elle a fait des études, mais absolument géniales. Enfin, elle a vraiment appris beaucoup de choses sur comment... comment fonctionnait ce chimpanzé, et elle s'est fait descendre la tête par toute la communauté scientifique parce qu'il disait que c'était des animaux apprivoisés, donc qui n'étaient plus, qui exprimaient plus le comportement sauvage, quoi. Qu'ils étaient dénaturés, parce que les avaient étudiés en établissant un lien direct. Et ça, c'est vrai. Alors que Arlo, qui étudie des trucs, des affiliés dans des bidules, lui, il les dénature pas une seule seconde. Et ils sont vraiment fait attaquer. C'est que récemment, où des gens prennent leur défense de ce genre de trucs-là. Et la primatologie a fait quand même beaucoup de progrès, ce genre de choses. Par exemple, une fois en Australie, elle raconte, c'est dans un ce dernier livre qui s'appelle Bivouac, c'est un journal, c'est toujours le jour, c'est écrit d'une manière très sombre, et elle raconte que c'est la sécheresse, une grande flaque d'eau, et sur cette flaque d'eau qui commence à s'assécher, il y a une mère python qui est en très mauvais état, elle ne la connaît pas, elle est sauvage. Donc elle commence par la soigner. Comme la nuit il fait très très froid, eh bien, elle l'emmène dans son campement, elle la met dans son duvet et elle part la journée et le soir, elle dort avec la mère python. Ni la dent ni l'œil, il y a donc. Ça pas du tout été. Mais elle a mis des années à savoir établir un rapport très très particulier avec la reptile. Elle sait faire. Elle connaît pas le livre, Bilotto. Mais sans doute que dans un aquarium ou même dans une maison. Mais bon, c'est une exception quand même. Après. Elle a passé sa vie à ça. Oui, oui, mais je veux dire, on parlait du cas des. Les nouveaux animaux de compagnie, enfin, c'est une exception. Peut-être qu'il faut confirmer la exception. Le problème, ce soit pas qu'on puisse vivre avec un serpent. Moi, j'en suis persuadé. Non, pourquoi pas ça. Ah bon. On parlait des reptiles et de la possibilité d'établir un contact avec. Oui, mais ça m'étonne même pas. Mais je vois même pas pourquoi on parle de ça, puisque en fait, c'est des animaux qui sont sauvages et qui sont exotiques en plus. Donc. Je ne vois pas l'utilité d'envisager une relation avec ces animaux-là. Quoi. Au contraire, il faudrait tout faire pour qu'ils restent. C'était dans ce sens-là, ça permet de les connaître. Oui, oui. Oui, je dis pas ça. Oui, non, mais ton exemple était très bon par rapport à ce que je dis, parce que quand on parle de ces animaux-là, on ne parle pas de cette personne-là, mais de toutes les autres qui ont des rapports mais complètement marchands. C'est l'étape ultime de la marchandisation. C'est l'objet, l'animal objet qu'on montre pour se donner un genre, un style sauvage, je ne sais pas. Mais il y a le problème de l'animal objet, de l'animal bien et féminin. Mais moi c'est plutôt l'inverse que j'ai envie de dire. C'est que il faut qu'on cesse de considérer le rapport humain-animal comme un rapport non naturel, qu'on reviendrait à l'ordre naturel, que les animaux ils seraient immergés dans l'ordre naturel et qu'il ne faudrait pas qu'ils en sortent, etc. Dans le truc que j'ai lu là du Veto, quand il disait c'est pas seulement les gens esselés, les handicapés, les malades, les personnes âgées qui pratiquent la zoothérapie. Une extrême majorité, c'est des couples entre 35 et 50 ans. Enfin, sur la théorie, il n'y a que des vieilles dames avec des petits chiens. Ça marche pas du tout si on regarde les chiffres, de toute façon. C'est essentiellement des couples jeunes et des gens avec des enfants. Donc sur l'esselé, de toute façon, ça marche pas. Mais bon, lui, il terminait en disant la zoothérapie ou thérapie assistée par animal peut donc se définir comme la simple interaction avec un animal compagnie. C'est-à-dire que toute interaction avec un animal, bon là de compagnie, pour lui c'est de la zoothérapie. C'est-à-dire que quelque part c'est pathologique. Mais c'est complètement spéciste de dire ça, d'une part parce qu'on pourrait aussi bien le dire pour. Enfin, ce qui fait que c'est complètement spéciste, c'est qu'on peut dire ça pour la relation avec n'importe quel humain. Mais pourquoi lui il dit ça par rapport aux animaux? C'est parce que pour lui, ils sont d'un autre ordre les animaux. C'est un autre monde, c'est une autre nébuleuse qui n'a rien à voir avec nous. Et quelque part, on fait acte de, je sais pas, de métissage ou de transgression de frontières en établissant un lien avec un animal. C'est quand même un truc super répandu, ça. Et moi, je pense qu'il faut. c'est pas vrai, il n'y a pas deux mondes, il y a un seul monde. On est bien d'accord. Et c'est vrai que... Enfin... Et il y a d'un côté effectivement à condamner cette histoire d'appropriation, de propriété sociale, de... Enfin, j'en reviens à ça. De l'animal, ce fait que c'est un bien en fait, qu'on peut faire servir à n'importe quoi. Mais il y a aussi, je crois qu'il faut casser cette sorte de dichotomie nature-humain et qui vient justement de ce rapport d'appropriation. Les catégories appropriées ont toujours été naturalisées. Les femmes, quand elles étaient appropriées, elles étaient de l'ordre de la nature, soumises à des instincts, gna gna. Les noirs esclaves, quand ils ont été appropriés, quand ils ont été rendus esclaves, on en a fait des êtres naturels, soumis à leurs instincts, ils étaient des purs corps avec peu de cervelle, etc. quoi. Et ils étaient de l'ordre de la nature. Et je crois que pour les animaux, ça fonctionne à plein. On a l'impression que d'un côté, il y a le monde de la nature, une sorte d'ordre, avec ses propres lois. Etc. Nous, on est dans l'ordre de la société. Et que ce qui a condamné dans les histoires de nouveaux animaux de compagnie, c'est pas le fait en soi que c'est des animaux sauvages, c'est le fait que c'est du n'importe quoi de façon générale. La contrainte. Oui, c'est la contrainte, c'est la non prise en compte des intérêts. C'est tout. Je suis complètement d'accord. Et en partant de ce principe, est-ce qu'il n'est pas possible de définir quelle serait une notion de bienveillance, bien qu'effectivement le mot fait peur, etc. Mais quelle serait une notion de bienveillance quand, par exemple, quelqu'un qui va adopter un enfant en allant au Brésil et puis en prenant un enfant d'un orphelinat, d'une favela, en sortant de sa misère, etc., va l'adopter, oui, d'accord, effectivement, ça sera pour des motifs aussi égoïstes, mais aussi il y a quand même un motif bienveillant par rapport à l'enfant et par rapport à l'animal. Il y a une différence entre une personne qui va recueillir un animal dans la rue pour pourvoir à ses besoins, pour être bienveillant, et quelqu'un qui va aller dans une oisellerie et qui va acheter un oiseau sauvage. Il y a quand même une différence. C'est ça la bienveillance, c'est une notion de valeur, et la notion de valeur est relative à soit à chaque individu, soit à des groupes d'individus. Bon, pour les anthropocistes, il y a peut-être cette couleur-là, effectivement, que tu dis, qui est intéressante à prendre en compte. Après, forcément, quand tu agis, quand tu fais ce choix-là, il y a forcément une relation de dépendance, etc., qui s'installe, et un pouvoir que tu exerces sur... La relation de dépendance, de domination, elle s'établit forcément entre dès que tu vis avec quelqu'un, ou dès que tu as un lien quelconque avec n'importe qui, finalement. Ensuite, le but, c'est d'éviter qu'il y en ait un qui se fasse écrabouiller par l'autre. Je pense que la domestication est un symptôme, c'est un symptôme, la domestication accrue dans nos sociétés occidentales, parce que c'est quand même bien spécifique. Hein. On n'est pas le monde entier, on est une partie du monde avec un fonctionnement bien donné. Je pense que s'il y a une domestication accrue, donc par le biais des animaux de compagnie, les nouveaux animaux de compagnie, c'est que ça parle d'un délitement d'un lien humain, social. Et là, il n'y a pas de dichotomie entre la nature sauvage et la nature civilisée. Je pense que c'est un symptôme. En même temps, c'est quelque chose qui brise la barrière d'espèce, qui est positif en ce sens-là. D'ailleurs, ça brise l'apartheid, d'une certaine façon, qui est établi dans notre société entre les espèces. Ouais mais comment ouais. Là, pour le coup, le bien-être des reptiles, dans cette lutte symbolique... Oui, non, mais je pensais au rapport à l'animal familier, quoi. Ouais. Dans le sens où parfois, ça peut être un argument... En tout cas, les animaux mangés, les animaux non mangés, on peut utiliser parfois... Oui, par exemple. C'est pas humain, c'est pas humain. Voilà, mais est-ce que ça revient pas aussi au niveau de la... Parce qu'au niveau de la loi, il n'y a pas, de façon très concrète, quelque chose à faire, en effet, en redéfinissant la notion de bien, de propriété, en remplaçant le mot de propriété par le mot de responsable, des choses très concrètes comme ça... Ou comme l'article qu'on voyait hier soir du grand singe qui va être considéré comme en tant que personne. Personne, oui. Enfin, en tant que comme une personne avec un statut de particulier, quoi, mineur, d'accord. Ou je sais pas quoi. Oui, mais en tout cas pas comme propriété. Non, pas comme bien. que tu disais tout à l'heure, quoi, le fait de ne plus utiliser le mot de propriétaire ou de maître, mais bien de responsable. C'est, tuteur pour l'année prochaine, le tuteur qui vient avec sur un plateau d'argent, un projet de société idéal, définissant les rapports entre les êtres vivants. À la surface de la planète, qu'est-ce qui vient avec ça sur un plateau d'argent? Vous avez bien bossé là, vous voulez pas continuer Le plus évident, ça serait que l'humanité, l'humain, ça serait au service des autres. Ce serait que l'humain, d'une part. Voilà. Il y a un bouquin qui s'appelle le service des animaux. Au service, c'est pas le bon mot, mais en tout cas inverser. Le rapport de... Pourquoi la vie, donc, se tendre à l'égalitarisme? Voilà, c'est ça. Ouais, oui. Pourquoi qu'on met dans un excès? Non, parce qu'on est déjà dans un excès, il y a 200 espèces qui disparaissent à chaque jour. Il faut bien rétablir un équilibre, c'est pas qu'on met dans le déséquilibre. Oui. Comment il y a un équilibre? Ah ouais, parce qu'on ne réparera pas, on ne pourra pas réparer une espèce qui a disparu. Oui, la préservation d'une espèce menacée de disparition, ça c'est aussi un terme à part entière. Auquel je pense qu'on n'est pas tous d'accord. Mais avec plein de questions, quoi. Je suis dit, mes soucis se contrôlent. Ce que je voulais dire, c'est pas non plus tomber dans l'excès inverse, le rapport de dominant à dominé, mais utiliser notre intelligence qui semble être la plus développée pour gérer un problème global de préservation de l'espèce. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, Bruno, tu as dit c'est intéressant que les espèces animales puissent plus expliquer quels sont leurs besoins. Les individus, je parle. Hein? Les individus, je parle justement, enfin là. En général, l'éthologie, comment elle résonne sur le bien-être, c'est quand même quels sont les besoins naturels des espèces, comme s'il y en avait, enfin, comme si nous étions faits pour tel régime alimentaire, pour tel milieu, pour tel machin. Et ça, je crois pas. Ce dont je parle là, c'est comment tu donnes de la parole aux individus. Oui, donc on est bien d'accord, c'est plus du côté de l'écoutant. Oui. Évidemment, c'est pas les moyens. Ah oui, il faut quelqu'un qui écoute là. Et que le problème, souvent en éthologie, c'est ça qu'on essaye de créer les critères. Telle espèce a besoin de ça, telle espèce a besoin de ça. Ouais. Ça marche pas. Hein. Avant de créer ces critères, il faut obligatoirement, avant de créer ces critères, pour définir quels sont les besoins de telle et telle espèce, mais il faut qu'il y ait des humains, non, des humains, qui fassent comme certains, comme on parlait tout à l'heure de la vie des serpents, John Goodall, Tim Robinson, enfin des gens qui sont allés s'immiscer dans le milieu dans lequel ils vivent depuis des millénaires pour essayer de connaître leurs besoins, et leurs besoins, ça passe avant par la compréhension de ce qu'ils sont. Mais de ce qu'ils sont comme individus et non comme espèce. Hein. Évidemment. Mais ça, je pense qu'on a encore. Cette connaissance-là n'en est qu'à ses tout débuts. On ne connaît rien de l'animal, même des chiens, on n'en connaît rien. Quand je vois le comportement de la plupart des humains vis-à-vis de l'animal qui est en principe le plus connu dans notre société occidentale, je me rends compte que je suis tout à fait ignorant. Et par ignorance, oui. L'ignorance, c'est le plus grand de tous les mots. On sait bien. Donc avant tout ça, il faudrait que certaines personnes finissent plus dans la vie de certaines espèces qui sont encore peu connues, pour peut-être arriver à les connaître mieux, les connaissant mieux, essayer d'exprimer leurs besoins. Et encore, quand on s'immisce dans leur vie, comme on le disait tout à l'heure, il y a toujours ce risque aussi de modifier forcément. Mais ça, c'est pas grave. Oui, c'est pas nécessairement grave de le modifier, effectivement. Non, de toute façon, dès que tu observes quelque chose, tu transformes ce que tu observes. Un bon scientifique, il part sur ce postulat-là. Mais ceci dit, oui. Bon, un bon scientifique sur l'animal, il lui permet d'effectuer des comportements qu'il n'aurait pas effectués s'il ne l'avait pas rencontré. Enfin, c'est ça, c'est de l'accroissement de savoir des deux côtés. Sinon, c'est pas de la science, c'est Arlo, quoi. Enfin... Oui, oui. Et en même temps, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que certains éthologues vont de plus en plus dans une recherche qui est de moins en moins spécialisée, quelque chose dans le goût-là, qui reviendrait un petit peu, et c'est pas plus mal parfois, certaines régressions, à un courant de pensée qu'on avait au 18e, donc qui était critiquable, mais qui était d'aborder un sujet dans sa globalité, et je trouve que plus ça va, plus on a tendance à se spécialiser, et donc à être complètement à la masse. Dire, oui, et, oui, oui. Et pour dire ça, c'est dire que l'humain qui cherche à comprendre l'animal, on en est à très peu de la connaissance de notre propre animalité en tant qu'humain. L'animal humain, pour moi, c'est une évidence. Et je trouve qu'on en est à l'aube, on en est aussi bien, ça fait une centaine d'années, que la psychologie est quelque chose qui existe. Et en termes purement scientifiques, on connaît 10% de notre cerveau qui est reptilien. Il n'y a pas plus animal que le cerveau dans la constitution mécanique et biologique de l'humain. Moi, je trouve que les comportements qu'on vit aujourd'hui, notre société qui est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas étonnant étant donné qu'on a si peu de connaissances de notre animalité. Et donc, c'est pas étonnant, malheureusement, moi je le déplore, que notre rapport à l'humain soit à l'animal soit tel qu'il est. Quoi. Une espèce de monstruosité dans le rapport à l'animal qui pour moi est à mettre en équivalence avec la monstruosité humaine vis-à-vis d'elle-même. Enfin, oui, pas très positif et optimiste, mais je constate que voilà, on a des outils que notre psychologie fait pas longtemps, que on sait pas grand chose. Même s'il y a eu des grands précurseurs, comme Saint-François d'Assise ou d'autres gens il y a longtemps. Qui ont essayé de dire des choses qui n'ont pas été entendues, quoi, parce qu'il n'y avait pas de... Non, mais ça suffit. Je pense que Freud, il aurait été brûlé au 3e siècle. Oui. Même en tant qu'homme, il aurait été brûlé comme un sorcier. Enfin, moi, je suis toujours ce parallèle, parce que pour moi, l'animal, l'humain, c'est la même chose. Je savais pas, le grand dernier, j'étais un peu stressé, mais je pense que c'est la même chose. Et toi, David, voilà. Oui. Toi, David, c'est ça que tu voulais dire? Non, mais ça suffit? Non, je voulais... Enfin, c'est un peu... Ça rejoint un petit peu, mais... Enfin, c'est sur le fait que j'ai l'impression qu'un des obstacles à la connaissance des autres animaux qu'on a, c'est que les autres animaux, on les voit comme foncièrement différents de nous, dans le sens qu'on a encore aujourd'hui une espèce de perception des êtres humains avec la théorie de la page blanche, avec la théorie de... L'être humain, c'est un être sans instinct, c'est un être rationnel, c'est assez analogue d'ailleurs à la manière dont on perçoit les autres cultures. On a l'impression que les autres cultures ont des coutumes, ont des choses bizarres, ont des mythes, alors que nous, on n'a pas de mythes, on n'a pas de... notre manière d'agir est d'une manière naturelle, est d'une manière normale, rationnelle et tout ça. Et que il faudrait arrêter de, au lieu de voir les autres comme étant les autres animaux comme étant des êtres bizarres et instinctuels et tout ça, alors il faudrait peut-être voir les humains comme étant instinctuels, il faudrait peut-être aussi remettre en cause la manière, enfin cette façon de voir basée sur des idées d'instinct et tout ça, et commencer à comprendre réellement comment fonctionne une psychologie, comment fonctionne un être sensible avec les différentes conditions. Je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui chez les animaux par exemple sont mis dans la catégorie instinct et qui correspondent plutôt à la catégorie situation. Oui. C'est-à-dire dans un nid, dans un arbre à 10 mètres de hauteur avec 4 frères et sœurs autour de soi et tout ça, je veux dire que instinct ou pas, ça nous donne une autre situation que si on est dans un HLM Enfin, je veux dire, puis si on a des ailes pour les battre, je veux dire, on a une autre situation par rapport à... Oui. C'est l'environnement qui crée des mouvements. L'environnement et notre propre corps et des choses comme ça. Je ne mets pas trop sur le sens que la je pense qu'il y a vraiment un lien à trouver et à réfléchir. Oui, voilà. Et du coup, à permettre de comprendre les autres en se disant si j'étais dans cette situation-là, je serais comme cet autre-là, quoi. Je crois que la connaissance de l'altérité renvoie à l'individu et à la solitude dont on parlait tout à l'heure. Et qu'effectivement, ça c'est une vision qui est vraiment antispéciste. Mais qui est antispéciste, moi j'ai la sensation d'avoir un rapport antispéciste à mes collègues humains. Oui. Je contacte et je connecte vous, chaque personne, en tant qu'individu. Pour moi, un chien c'est une personne, X c'est une personne, bon. Particulièrement mal, hein, parce que c'est libre. Mais voilà, et ça c'est une vision qui peut permettre de... Mais bon, je veux dire, la société telle qu'elle est, on est humaine, elle est très très loin de sa masse, parce qu'elle vit comme une masse, elle vit à la masse. C'est clair, hein. Cette conscience-là, elle est non seulement avant-gardiste en soi, mais elle est... C'est pour ça que c'est difficile à porter tout seul. Effectivement, ce que tu dis, c'est vraiment ça, cette question de définition d'une norme. J'ai dit ça, moi. Non, toi, ou juste, c'est Jérôme. Non, j'ai dit. Des choses très intéressantes, donc je ne sais pas. D'abord, c'est vraiment intéressant, cette histoire de... L'individu en face d'une masse d'individu, est-ce que ça génère? Est-ce que les individus humains ont une... Pour le rapport de soi et de l'autre. Toi Yves, comment est-ce que tu définis la remise en cause de la prédation? En fait, je la définis pas vraiment. Non mais c'est vrai, c'est... Comment tu l'argumentes? Non, je l'argumente. Je l'argumente, c'est simplement... À partir du moment... À partir du moment où on a un pouvoir d'action, on a une responsabilité qui est liée à ce pouvoir d'action. C'est-à-dire que si on ne l'utilise pas, c'est un choix qu'on fait de ne pas l'utiliser, de laisser les choses en place. Si on l'utilise, on l'utilise. Bon. Mais à partir du moment où on a la possibilité d'agir, on a une responsabilité liée à ça. Si ça m'arrivera jamais, Dieu merci. Si j'étais maître d'école et qu'il y avait des enfants dans un préau et qu'il y en avait un qui cognait la tête de l'autre sur le sol de béton, là, et ben moi j'aurais le pouvoir d'agir et j'aurais une responsabilité dans ce qui se passe. Si je décide de ne pas agir, que c'est du droit des nations à disposer d'elles-mêmes, je décide que, ok, quelque part, ce serait comme si je prenais le parti du plus fort des gamins, de celui qui est en train de fracasser le crâne de l'autre. Tu vois? La question se pose autrement, si j'habitais sur Mars et que ça se passe sur Terre, j'ai pas de moyen d'intervenir, c'est autre chose. Ouais. Je pourrais peut-être réfléchir à comment arriver sur Terre, mais... oui, voilà. Mais quelque part, c'est ça, voilà. C'est que de loin, je vois des trucs qui se passent. Pour l'instant, j'ai pas le moyen d'intervenir. Mais je me dis, si un jour j'ai les moyens d'intervenir, ça serait peut-être bien. Et dans certains cas, on a les moyens d'intervenir aussi. Faut pas se refuser de se poser la question. La prédation, la domination, c'est la même chose. C'est pour des interventions militaires, de se dire. Parce que... c'est une forme extrême de domination. Parce que, ouais, la domination... Dis-le plus fort. Je lui demandais si tu étais pour l'intervention militaire en Irak ou en Yougoslavie. Parce que c'est un peu ça qui génère ça, hein. C'est le même genre de discours. Oui, c'est le même genre de discours. Le problème, non, mais bien sûr, c'est le même genre de discours. C'est à quoi ça mène. Oui, mais alors, est-ce que c'est le discours c'est qui mène à ça? C'est comment on va s'ingérer, est-ce que c'est... c'est ce que j'essaie de dire. Non, en s'ingérant contre la prédation, à part les éradiquer et transformer d'autres espèces qui n'étaient pas en prédateurs, je vois pas ce qu'on pourrait faire. Mais bon. Mais on est quand même le premier prédateur. Parmi tous les espèces. Bien sûr. Ouais. Là, au niveau de l'environnement, déjà. Puis quand on agit sur l'environnement, on agit aussi sur l'espace. Bien sûr. pense que le spécisme est. Le spécisme est profondément capitaliste dans le sens où ben, en fait, si on remonte à l'origine du capitalisme, pas du capital, mais de la propriété privée, en fait. La propriété privée est née avec la culture, donc la domestication des espèces végétales. À partir de là. La propriété privée est née avec L'agriculture. Puisque avant, les hommes étaient chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas de notion de propriété. À partir de ce moment-là, donc la notion de propriété est arrivée avec la domestication des espèces végétales. Et d'où ben, la compétition, la domination et le capitalisme actuel qui n'en est que la suite logique finalement. Si la propriété existait avant, quand une tribu de Cro-Magnon allait dessiner un mammouth, je ne suis pas certaine si, d'ailleurs c'est même pour ça, c'est partagé que la tribu de Néandertal serait attirée de loin, qui avait un peu fumé, un peu de sang, un peu de boudeur. C'est la même espèce. C'est pas la propriété que vous voulez partager. Oui, oui, c'est instinctif là après. Oui, je sais pas, quand tu as la propriété privée sur son territoire, c'est pas de la propriété privée. Bah c'est quelque chose de l'ordre de l'instinct et pas de la possession. Mais c'est de l'appropriation. Enfin, c'est vrai qu'en propriété, appropriation, il y a des. Après, c'est un peu poreux quand même. C'est vrai que c'est pas tout à fait l'appropriation. C'est l'appropriation de territoire. Voilà. C'est à voir au territoire. C'est pas forcément problème, donc l'appropriation. Voilà. Enfin, moi, j'ai du mal à avoir une quelconque fracture entre la propriété privée. Telle que ça se pratique chez je sais pas combien quel pourcentage d'espèces animales, mais enfin quand même énormément, et c'est pratiqué par les humains. Il y a la loi, il y a l'utilisation, l'usage, en fait. Tu peux pas bien avoir une propriété que tu n'exploites pas, alors qu'un animal, son territoire, il y a s'il va pas dans la coin de son territoire, il arrête de pousser, il arrête de marquer, et sa propriété change. Il y a toujours un rapport avec l'utilisation, c'est l'utilisation, la pratique. L'usage qui définit la propriété dans ce cas-là. C'est pas vraiment le cas de la liste de la séparation. Non, c'est la loi aussi. C'est la loi qui définit la propriété de chacun. C'est même pas la loi. Je veux dire, tu as des périodes sans loi, c'est-à-dire tu as des périodes de révolution, d'anarchie, la Commune de Paris ou des trucs comme ça, où il n'y a aucun État qui impose une quelconque propriété privée. Et pourtant, la propriété privée continue à subsister. C'est des habitudes humaines. De toute façon, que chez les oiseaux, c'est pas l'usage qui définit leur territoire, c'est leur champ. Oui, mais c'est quand même l'endroit où on entend leur champ. Dire, c'est leur façon de le dire. Je veux dire, Bien sûr. Je veux dire que l'oiseau, il a une notion de propriété qui n'est pas la simple notion du territoire qu'il utilise. Est-ce qu'elle n'est pas en fonction de ses besoins? Ses besoins, oui, de sa survie. Enfin, d'un territoire minimum défini et ça veut pas pour qu'il dire... soit bien. Si, il y a de l'usage. Il n'a un lieu à la campagne ou gardé par un chien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rivalité. Enfin, il n'y a pas de. Si, il y a vraiment. Je ne remets pas en cause la rivalité entre les individus d'une même espèce ou d'espèces différentes. Bien sûr, bien sûr. Mais simplement, le fait établi que. À partir du moment où il y a une propriété, il y a un pouvoir. Et à partir du moment où il y a un pouvoir, il y a possibilité d'en abuser sur quelqu'un qui en a moins ou qui est plus faible. Donc c'est toute une question de pouvoir finalement. Justement par rapport aux notions de territoire, il y a beaucoup qui se battent pour définir. Qu'un territoire va se transformer en réserve naturelle pour préserver l'habitat des autres espèces. Quel est justement votre avis sur le fait finalement d'octroyer à l'homme le droit d'agir complètement sur son environnement et de considérer un territoire comme étant sa propriété et de définir certaines zones intouchables. Comment vous imaginez faire évoluer ça dans l'avenir? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait imaginer à l'extrême partager la planète en deux et donner une moitié de la planète à toutes les autres espèces et se dire que sur l'autre moitié de la planète, l'homme est capable de modifier son environnement et de tout ce qu'il est possible d'imaginer en fait. Est-ce qu'il faut se dire que non plus le réservoir au fleuve. Est-ce qu'il faut se dire que de laisser finalement le... Je sais plus ce que je voulais dire. Il y a une belle phrase de Romain Gary qui dit à peu près que enfin, on est dans un tel état de solitude que l'homme a besoin de tous les chiens, tous les poissons, tous les éléphants de la terre, quoi. Et je pense pas qu'on pourrait se passer de côtoyer d'autres espèces, quoi. Ça risquerait d'être psychologiquement intenable. C'est pas ce qu'elle a dit. Ah bon. Ben non, alors le fait de laisser la moitié de la planète aux autres espèces. Et... Ben là, pour le coup, c'est resté dans le. Enfin, tu vois, l'idéologie du domestique sauvage, enfin, là, c'est préservé. Du naturalisme, justement. Oui, à fond, oui. Oui, bah oui, de toute façon, les discours sur la protection de la nature, plus que naturaliste. Et pour le coup, il est même purement capitaliste dans le sens où il définit en termes de réserve biologique, de potentiel qui pourra nous être utile plus tard, avec un axiome absolument pas prouvé, voire faux, qui serait que la biodiversité nous serait utile. Enfin bon. Et surtout à aucun intérêt pour les individus qui peuplent ces zones, quoi. Est-ce que par exemple ça fait juste c'est comme des eaux géants, hein. Est-ce qu'il est dans l'intérêt des espèces de se battre pour que certains territoires ne soient pas accessibles à l'homme? C'est une bonne question. Hein. Mais ça, justement, le fait d'interdire le territoire aux autres espèces, c'est, à ce niveau-là, je pense que le sens de la propriété humaine est très antispéciste. Hein. C'est chez moi, il n'y a aucune espèce, ni personne qui vient. Alors que pour les animaux, c'est au sein d'une espèce qui partage le territoire plutôt. Ouais. Quand les loups, le carnivore, oui, c'est la grosse différence sur les arbres pour voir quel est son territoire, le lapin va peut-être y faire gaffe. Mais il y a des territoires qui se recoupent en fait. C'est ça, il y a le partage du territoire entre les lapins, le partage du territoire entre les loups, le partage du territoire entre les vaches, le partage du territoire au sein d'une espèce. Peut-être qu'il y a des espèces effectivement qui se démerdent entre elles. Mais globalement, sur un territoire, c'est pas la propriété de telle espèce. Il y en a plusieurs qui sont là. Alors que l'humain va te dire, bon, ça c'est chez moi. Il n'y a pas un cafard, il n'y a pas un chat, il n'y a personne qui va rentrer, c'est chez moi. Non mais ça se passe encore, je veux dire, dans le sens que ici, ça doit être la propriété d'un être humain. Mmh. Et puis les fourmis qui sont dans le sol, je veux dire, elles se partagent, là c'est à moi, ça c'est à mon nid, et puis la fourmi d'à côté. On ne peut pas exterminer tous les trucs qui sont dedans, mais non mais il aimerait vrai, mais je veux dire que de fait ça se passe comme ça, c'est-à-dire que ça se passe pareil pour les humains que pour les autres espèces. Mais chez moi il y a plein de souris, en fait on a beau faire quoi que ce soit, donc c'est pas tout à fait. Non mais c'est important ce que tu as dit, parce que je l'ai entendu aussi, c'est que l'humain est la seule espèce qui essaye d'éradiquer toutes les autres pour s'approprier un territoire. Tandis que chez tous les autres animaux, il y a les autres animaux sont territoriaux, enfin certains, donc ils vont définir une limite de leur territoire dans laquelle ils ne vont pas laisser entrer d'autres animaux de la même espèce. Par contre, ils vont cohabiter avec des animaux d'autres espèces. Ouais. Et l'humain est particulier en ce sens. Bah là, c'est juste la preuve qu'il est un peu plus bête que les autres parce qu'il n'y arrive pas. Enfin, de fait, je pense pas. Je pense même pas que ce soit vrai, quoi. Enfin, je veux dire, non, je pense pas. Qu'il essaye. Le fait qu'il y ait le partage des territoires qui soit indépendant, enfin que chaque espèce a son partage et que c'est des partages indépendants. Je pense que c'est en grande partie vrai, mais que c'est pas forcément exactement suivant les espèces. C'est-à-dire que j'imagine que c'est plutôt suivant les types de niches écologiques. C'est-à-dire s'il y a le loup et puis à côté il y a l'hyène, j'imagine qu'il y a une certaine incompatibilité entre le fait que la hyène elle est le même territoire qu'un loup, quoi. Enfin, je sais pas si les hyènes et les loups. C'est une réserve de nourriture, quoi. Hein? C'est la même niche écologique. Oui, en fait, que ça fonctionne un peu pareil, et que sur un territoire, il peut y avoir qu'un animal qui corresponde à un certain type de besoin. C'est un partage qui correspond au partage des ressources, enfin au partage ou au non-partage des ressources. Mais aussi, bon, toutes les phrases qui commencent par « il n'y a que l'humain qui fait ça », enfin l'humain est la seule espèce qui ceci ou cela. Enfin bon, il y a un bel exemple du truc d'appropriation d'un territoire entre guillemets, mais enfin bon, ça fonctionne quand même à peu près par ça, c'est que je crois que les pins enfin les sapins en général, les aiguilles tombent par terre et stérilisent le sol d'une manière que aucun autre type d'arbre ne peut y pousser. Bon, oui, c'est un truc assez connu quoi. C'est-à-dire, il y a des sapins dans un coin, il y a des autres arbres, les eucalyptus aussi. Ben voilà quoi. Et je crois pas du tout que enfin, je comprends pas pourquoi il faudrait classifier. Enfin, à quoi servent les phrases du style l'être humain est le seul qui fasse ceci ou cela quoi. Oui, c'est trop beau. C'est ça. Ben, c'est pas le seul qui protège son espèce et qui défend son territoire, mais c'est le seul qui exploite toutes les autres espèces, il peut les exploiter. Son profit. N'importe quel prédateur. Je crois pas. Non. Ouais, mais exploite une espèce ou quelques espèces qui vont servir à sa survie. Mais nous, pareil, on n'exploite pas beaucoup. Par rapport à l'ensemble. Il y a la chasse et l'élevage quand même. Oui. Après. Mais en termes d'individus, ça reste pas la majorité, heureusement. Oui, il y a des symbioses qui existent entre différentes espèces. C'est pas une symbiose, oui. Là, elle parle d'une domestication à l'humaine, quoi. Enfin, oui, la domestication du puceron par les fourmis, c'est plutôt gore. Hein. Non, mais on peut aussi dire que c'est une symbiose entre les poulets et les humains, hein, je veux dire. L'espèce poulet ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Bon, En tant qu'espèce, c'est une espèce qui s'est magnifiquement développée. Ça veut dire quoi, magnifiquement développée? Et c'est qu'il y en a des dizaines de milliards. Non, mais ça, c'est pour... C'est les critères qu'on utilise pour le succès d'une espèce en général, c'est le... Oui, bien sûr. Oui, de toute façon, ça n'a pas de sens, ce truc-là. Enfin, la fourmi est plus nombreuse, si on remonte au bac... Oui, mais je veux dire que dans la notion de symbiose, j'ai jamais compris ce que ça veut dire. Enfin, entre symbiose, prédation et tout ça, on dira c'est à l'avantage des deux. Mais quand on dit à l'avantage des deux, en général, on veut dire c'est à l'avantage des deux espèces. Ouais. Et donc ça implique l'existence d'une notion d'avantage pour l'espèce. Ouais. Et comme l'avantage pour l'espèce, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mm-hmm. Je veux dire, entre les pucerons, les fourmis, elles les bouffent, les pucerons. Mm-hmm. Bon, c'est sûr que les fourmis... Elles aident à la... Enfin, c'est sûr, je pense que les fourmis, elles aident à la préservation, à la perpétuation des espèces pucerons, d'une façon ou d'une autre, en les préservant contre d'autres prédateurs, en les protégeant. Mais que... Je peux pas dire que c'est à l'avantage de chaque puceron si la fourmi bouffe des pucerons, quoi. Bah si, peut-être. Je pense pas. Mais peut-être, un certain temps, mais... Mais il y avait t'as des symbioses où ça se traduit pas par la mort d'un des deux. Par exemple les énormes poissons là qui se font nettoyer la bouche. Ou les bœufs avec les qui se font nettoyer par les oiseaux. Ou nous-mêmes, on est des gigantesques symbioses de cellules. Oui. Et on est constitué de plein de microbactéries. Qui nous aide à digérer. Et même chacune de nos cellules est constituée de mitochondries, elles sont d'origine extérieure et si on veut les considérer, on peut. Les mitochondries sont d'origine extérieure. Pourquoi les mitochondries et pas les cellules? Oui. Non, mais en fait, ça ne veut rien dire, elles sont d'origine extérieure. Oui. Mais si on veut, on peut les considérer comme des sortes de choses extérieures qui seraient venues, quoi. Ouais. Bah oui. Mais pourquoi la mitochondrie? Pas beaucoup de choses. La cellule eucaryote, c'est une fusion entre deux bactéries qui nous donnera la cellule et la mitochondrie. C'est la seule mitochondrie à l'extérieur. Non mais du coup, en fait, j'ai dévié et j'ai annulé le débat. Annule le débat. Non, parce qu'il y a des espèces donc qui sont les unes pour les autres. Juste pour dire ça. Et en fait. Utile dans quel sens? Dans le sens de une autre espèce. De survie, oui, même entre les insectes et les végétaux. Enfin, ou certains bactéries sur les racines. Nous et les poulets de batterie. Voilà, mais c'est un intérêt qui va que dans un sens. Que dans un sens, oui. Ben non. Ah, parce qu'on parle, si tu parles de l'espèce, c'est ça, c'est qu'il y a à distinguer entre l'intérêt de l'espèce et l'intérêt de l'individu. Oui. C'est que là, si l'intérêt de l'espèce, par exemple, le critère pour le juger, c'est la prolifération des individus qui sont censés lui appartenir, ben à ce moment-là, une des espèces qui a le plus réussi sur Terre, c'est celle des poulets de batterie. Oui, c'est ce que je veux. Ouais. Ah oui, c'est ce qu'il venait de dire. Ben... Mais au niveau de, du non, sort non, de l'individu, c'est non, pas très enviable. Non, mais bon, c'est vrai que ça... Il n'y a pas d'intérêt à considérer le nombre, vu que après, la qualité de vie, elle est diamétralement opposée. Après, est-ce qu'il ne faut pas considérer aussi le pouvoir de modification qu'on a sur l'environnement qui fait qu'on rend certains territoires inhabitables par certaines espèces, quoi. Et donc, est-ce qu'on est vraiment... Si on a la volonté de continuer à modifier à ce point notre environnement, est-ce que c'est compatible avec la cohabitation avec d'autres espèces ? Non, tout à fait, c'est là où je voulais en venir. Enfin, c'est la remise en cause de l'exploitation. Après, c'est des exemples seulement exceptionnels où il y a vraiment... une réciprocité, quoi. Si on se rend compte qu'une espèce dont les individus sont de façon très générale malheureux, est-ce que ce serait un mal de faire disparaître cette espèce? Oui. Oui. Mais non, ce serait pas un mal. Oui, c'est une vraie question. Il faudrait leur poser la question s'ils sont malheureux. C'est une vraie question. Ce qui serait un bien, c'est peut-être de changer les causes. De... Pourquoi cette espèce est malheureuse? D'essayer de trouver un moyen pour améliorer les conditions de vie de cette espèce. Oui. Mais souvent je pense aux souris, je ne sais pas quelle réalité ça, mais j'ai l'impression que les souris doivent être des animaux qui à chaque instant de leur vie sont dans un stress permanent entre... l'hibou qui est dans le ciel, le chat qui... que ça doit être des animaux qui sortent le minimum possible et uniquement tiraillés par la faim parce qu'il faut bien qu'elles sortent pour bouffer. Ouais, mais c'est peut-être super cool. Ouais, ça c'est difficile de présumer du bien-être ou du mal-être d'une espèce. Par contre, ça pose la question en effet de le regard qu'on peut avoir sur la façon dont un individu peut vivre dans la nature au sens où la plupart des gens l'utilisent, c'est-à-dire en effet soumis à la prédation et à des sorts qui doivent être, à des tensions qui doivent être en effet. Oui, mais je veux dire que une espèce qui par l'évolution a été amenée à vivre dans telle ou telle condition, il se peut très bien qu'il ne suffise pas de changer les conditions pour que les problèmes en question disparaissent. Quoi. Je veux dire, il peut y avoir des choses qui font que la souris soit incapable de se détendre, qu'elle soit incapable de jouir de la vie, d'avoir confiance dans son environnement, etc. Dans la sélection, comme on dit, naturelle, ouais. Je sais pas. Autant pour les espèces domestiques, c'est clair. Enfin oui, j'en parlais tout à l'heure, les espèces où morphologiquement, ils ont des trop petits pour pouvoir respirer correctement ou des choses comme ça. Ça, c'est des évidences que tu auras beau changer les conditions, alors ils auront toujours une souffrance respiratoire, donc tu vois pas comment ils pourraient avoir du bien-être. Par exemple. Mais dans le cadre d'espèces du dehors, enfin non contrôlées par nous, tu vois pas ce qui pourrait échapper à des modifications dans l'environnement. Enfin, il y a que l'environnement qui est agressif. Les chats. Il n'y a pas une peur constitutive ou... Ben, il peut y avoir, hein. Je veux dire, il y a des races de chiens dont on sait que c'est des races beaucoup plus nerveuses et qui sont incapables de... Mais c'est des races qu'on élève d'une manière... Enfin, le racisme, ça marche pas. Hein. Enfin, vraiment, même en zootechnie, on est obligé de faire beaucoup de circonvolutions pour faire croire que les comportements sont génétiques. Mais c'est pire que le génisme, en vrai. Ton truc, c'est carrément... décider de est-ce qu'une espèce a le droit de se perpétuer ou pas, quoi. C'est ça en fait. Ben, moi je crois pas que ça a un sens de parler de droit des espèces. Je veux dire que les espèces. Ben, ne sont pas des êtres sensibles, ne sont pas des individus, c'est une abstraction d'espèce. Donc parler du droit d'une espèce à se perpétuer, pour moi ça n'existe pas. Et le truc c'est que, enfin moi je pose un peu en termes de catégorique, mais en termes de catégorique qui forcément un jour qu'on rencontrera d'une manière ou d'une autre à partir du moment où on connaîtra mieux les animaux. Aujourd'hui, j'aurais du mal à dire avec certitude que les souris sont forcément malheureuses et qu'il faudrait qu'elles disparaissent. Mais par exemple, le cas du chat, bon, je le connais un petit peu parce que je vis avec des chats depuis longtemps et que y a le fait que les chats ont un grand besoin de protéines parce que leur niche écologique dans laquelle ils sont tombés au cours de l'évolution, c'est une niche où ce sont des prédateurs pratiquement purs, c'est-à-dire que leurs calories viennent uniquement des souris. S'ils avaient gardé, comme les chiens, un peu une polyvalence, c'est-à-dire de pouvoir digérer les glucides, les fruits, les trucs comme ça, peut-être qu'ils auraient été moins efficaces dans la chasse aux animaux. Donc du coup, ils ont un régime purement carné dans la nature. Pendant des millénaires, ils ont eu ce régime purement carné. Ce régime purement carné implique un stress énorme sur leurs reins et qui fait que les chats sont programmés pratiquement pour mourir par les reins. Parce que le régime carné, ça veut dire une digestion, leur énergie vient je sais pas, en grande majorité des protéines, et que les protéines impliquent un travail énorme pour les reins, et la première chose qu'ils lâchent chez les chiens et chez les chats, c'est les reins. Mais en même temps, on ne peut pas nourrir un chat avec une grande proportion d'autre chose que de protéines, parce que du coup leur physiologie est adaptée, leur intestin n'est plus capable de digérer une grande quantité de glucides. Et du coup, ça fait un animal qui est coincé, c'est-à-dire que l'évolution l'a fait tomber dans une niche écologique qui implique une mort précoce, qui implique une usure précoce de l'organisme et qui l'implique d'une manière pratiquement irrémédiable. Alors, on peut y remédier avec la chimie, arriver à faire porter un minimum de remèdes, mais je veux dire que l'idée de l'adaptation de l'animal... Comment tu peux dire irrémédiable, je comprends pas. Comment tu peux dire irrémédiable? T'en parles comme si c'était une espèce dont l'adaptation était achevée et irréversible, ce qui n'existe pas. Si on se dit on va élever par... C'est sur des individus, hein, l'adaptation aussi. Pardon? L'adaptation, c'est sur des individus. Oui, c'est sur des individus, mais pour changer ça, je veux dire, pour permettre aux chats, par exemple, de digérer, enfin, de produire sa propre taurine ou, je sais pas, certaines substances que les chats sont devenus incapables de produire, bon, ben, faudrait des siècles et des siècles de sélection dans le sens inverse. Bon, moi, je veux bien, hein, c'est une autre solution du truc. Mais la réalité, c'est que, bon, d'abord, entre faire une sélection produire la disparition d'une espèce, c'est deux phénomènes qui sont pratiquement identiques. Oui. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc, en transformer en une nouvelle ou la laisser disparaître, ça peut pas pareil. Ouais, par rapport à ce que tu dis, donc au niveau de l'alimentation essentiellement carnée du chat, bon, je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais je crois qu'il y a depuis pas mal d'années, peut-être une vingtaine d'années, des personnes qui nourrissent exclusivement leur chat avec des aliments non carnés. Il y a une gamme d'aliments qui est produite comme un dessert spécifique de l'alimentation de chat. Alors, je n'ai pas lu d'études particulières sur les populations suffisamment profondes de chats, mais il est possible qu'il en existe, et je ne connais pas. Donc, je pense que ce n'est pas irrémédiable. Je crois que c'est déjà un individu. Non, mais ça, je le connais bien, parce que moi, je le fais. Moi, je le fais depuis 15 ans, depuis tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a quand même des protéines. Non, le problème, c'est que les protéines. Et là, justement, c'est les protéines d'origine végétale. Donc on ne règle pas le problème des reins du chat. Donc autant de protéines que ça règle pas le problème. Non, c'est pas. La qualité de la protéine n'est pas la même. Les toxines qui sont inévitablement liées et sont plongées à des protéines d'origine animale ne sont pas les mêmes que celles qui sont liées à un diable. Oui, tout à fait. Et le pas ne fonctionne pas, ça ne stimule pas son rein et son foie de la même manière que la protéine est une autre origine. C'est une évidence. Hein. Ah, bon, je ne sais pas s'il y a suffisamment d'études qui ont été faites là-dessus pour voir l'incidence d'une modification de l'alimentation chez le chat, pour savoir s'il meurt moins de durée que les chats qui sont liés sur une alimentation qui est maternelle. Mais en tout cas, chez l'humain, tout le monde le sait. Hein. Chez l'humain, le fait de consommer des protéines qui sont d'origine végétale, charge non plus animale, ça a une incidence sur le fonctionnement de l'organisme. Oui, mais après le problème, il y a la question de quantité de protéines. Oui, mais... Non, mais il y a le problème de la quantité, il y a plein de protéines. C'est pas clair hein, pour les humains, pour les végétariens, de toute façon. Qu'est-ce qui a aussi commun? On sait que globalement, les végétariens vivent plus longtemps que les omnivores, mais on ne sait pas à quoi c'est dû. On ne sait pas à quoi c'est dû. Ça peut être aussi que les végétariens vivent moins que les omnivores, par exemple. Non mais je dis un truc mais c'est compliqué quoi. C'est quand même une fois moins, c'est ça? Non, non, je crois pas. Mais je pense qu'il y a pas mal d'études qui existent, notamment au niveau des maladies cardiovasculaires du végétarien. Il y a plein de raisons connues en tout cas qui expliquent pourquoi le végétarien est un meilleur stratégie. Ça commence à être un petit peu inconnu, que c'est ça commence à être un peu. Hein. Ça peut être à plein de choses aussi, pas qu'à leur alimentation. Oui. C'est que les gens qui se préoccupent des animaux se préoccupent aussi d'autres choses. Il y a un rapport à l'instruction aussi, du fait qu'ils ont une hygiène de vie dans d'autres domaines, pas que au niveau de l'alimentation, qui leur permet de vivre. Ouais, mais pas seulement, non, moi là je suis pas... Je suis pas sûr, hein. Je pense qu'il y a une étude dont je me souviens un petit peu qui avait été faite. Je ne sais pas si vous allez dire, mais qui s'appelle... Les Hunza. Donc il y a une étude qui avait été faite par des médecins anglais au milieu du siècle dernier et qui était allé vivre quelques années chez les Hunza. Les Hunza, c'est un peuple qui vit dans le haut plateau tibétain à des raisons sûrement géographiques, climatiques et économiques sont 90-80%. Je connais moins une population très pauvre qui, par exemple, mangeait de la viande à Liber Price est beaucoup plus nocif que manger de la viande de mouche. Ça, c'est pour eux aussi. Il y avait une longévité inhabituelle. Différente, en tout cas, de celle des populations qui vivaient dans des conditions similaires et qui consommaient de la viande. Une des conclusions était que amène pour l'humain en tout cas un peu. Il faut savoir que les chats ont mal au ventre. C'est vrai. On nous a aussi pris comme exemple d'équilibre de l'alimentation par rapport à ce qu'ils ont autour de eux. Peut-être que la viande est mieux. C'est aussi l'exemple pour la défense de la consommation de végétaux complexes, de végétaux traités, de végétaux qui ont une alimentation très très riche, il y a bien enfin, très varié, il y a tout ce qu'il faut exactement, ça s'équilibre, ça ne laisse pas la maladie, c'est bien sûr que ça ne lâche pas. Il y a plein de... Il n'y a pas que végétarisme, encore qui intervient dans... Il n'y a peut-être pas que l'alimentation, Et il n'y a surtout pas de règle universelle applicable à tous les humains comme espèce. Enfin, avant tout, pas l'animal-machine ou la mobylette qui a besoin de 4% d'huile et de temps d'essence. C'est pas aussi simple que ça. On peut voir des grandes lignes, mais c'est tout. De la même manière, je ne sais pas comment tu peux affirmer que tous les chats passent leur vie à avoir mal aux reins. Oui, voilà. Mais... Par exemple. Non, mais ils n'ont pas mal aux reins dans le sens d'avoir mal au dos. Non, je ne comprends pas l'intérêt de cette question. Alors, de dire pourquoi les chats... Alors, les chats mangeraient trop de viande. Alors soit ils sont bêtes ou alors... L'évolution n'a pas fait que les reins des chats eh bien, suivent leur régime alimentaire. Ça me paraît bizarre quand même. Mais pourquoi on meurt tous de quelque chose, de l'usure de nos fonctions vitales. Bon, mais il se trouve que les chats, c'est des carnivores, ils vont mourir de leurs reins. pourquoi pas, qui maintenant, malheureusement, n'est même plus vrai. Oui, il faudrait surtout poser la question du changement alimentaire, du régime du chat. C'est la lactification, mais en tout cas, le force est de constater que la première raison de mortalité sur le chat, c'est plus le facteur rénaux, hein, c'est les virus. L'accident de la route. La PIF, la FIV, la FLV, hein, c'est de cela que meurt actuellement le chat. Mais moi, c'est pas pour parler spécifiquement des chats. C'était pour essayer de casser un peu l'image que à chaque espèce, une espèce d'égalité, qu'il y a le bonheur du chat, le bonheur du lapin, et que le bonheur du lapin c'est d'être lapin, le bonheur du chat c'est d'être chat, et qu'il y aurait une sorte de... Je veux dire, il peut y avoir des différences dans la capacité des espèces à être heureuses, et que je vois pas pourquoi ça serait un tabou non plus, quoi. Je veux dire, de la même façon qu'il y a des humains, enfin pour reprendre l'exemple de la thalassémie, c'est pas la même chose que l'anémie falciforme. Si. C'est ça. Que voilà, oui, que c'est moi que je trouvais pas bien. Oui, c'est ça. Enfin, que le jour où en espérant que ça arrive, où la malaria aura disparu, eh ben, j'espère que le gène de la bêta-thalassémie, c'est ça, ouais, il disparaîtra. Enfin, qu'on pourra le faire disparaître. Parce que, je veux dire, mais les non, on ne sait pas à quoi il sert. Ça, enfin, voilà, là, je te parle d'un des rares exemples où on a remarqué un truc. Mais bon, pour l'instant, la génétique, il ne faut pas mettre beaucoup d'espoir là-dedans. Enfin, on est dans une vraie impasse, quand même. Non, mais il y a une façon de le faire disparaître. C'est par exemple l'avortement sélectif des embryons quand ils sont positifs pour ce gène là. Enfin, je veux dire, il y a un couple où il y en a un qui est... C'est compliqué ça quand même. Enfin voilà, le génisme c'est compliqué à plein de niveaux. Non, mais c'est compliqué. Regardons comment niveau, se développent les avortements chez les humains, où on détecte systématiquement les maladies les plus graves et où les raisons d'avortement augmentent de plus en plus. Enfin je sais pas, mais il y a des chances que dans 10 ans on avorte les enfants qui sont myopes par exemple. Non, mais moi, je suis pas, et qu'on ne sait pas, on n'a aucune idée de ce qui se tient là-dedans. C'est des modes de sélection qu'on fait semblant de contrôler, mais qu'on contrôle pas. Je ne dis pas ça comme idéal, du style, faisons demain des eugénismes à tout va pour améliorer l'espèce humaine, etc. Je dis seulement que c'est une motivation légitime pour aller dans ce sens-là. Maintenant, qu'il y ait beaucoup d'effets négatifs possibles et qu'il faille le faire avec précaution, et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'une population, en supposant que le paludisme ait été éradiqué, une population où il y ait 25% de ce gène-là, et une autre population où il y ait 0% de ce gène-là, je pense que toute chose égale par ailleurs, il vaut mieux que subsiste la population où il y a 0% plutôt que la population où il y a 25%. Et que c'est pas vrai que les deux populations sont également heureuses. Il y en a une où il y a un certain pourcentage des enfants qui naissent, où c'est un drame, où ces enfants sont très sérieusement malades, avec des crises très douloureuses, et meurent en général jeunes. Et je veux dire que les enfants... Mais pour là, c'est des raisonnements quand même spécistes. Tu dis bien une certaine partie de la population, même si elle est majoritaire, mais dans tous les cas, c'est un truc de sacrifier des groupes. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, moi, ça me gêne pas de dire qu'il y a des différences entre les groupes, et que ces différences sont aussi des différences en plus et en moins. C'est pas des différences en termes de supériorité ontologique, qu'il y a une nature de supérieure d'un groupe par rapport à l'autre. C'est que je veux dire, moi, j'ai des gènes qui font que j'ai mal au dos, que je suis myope. Je trouve que oui, si on pouvait faire que... Enfin, ça a l'air d'une connerie, c'est un petit truc, parce que bon, les lunettes, ça coûte... ça coûte cher, mais bon, je veux dire que c'est pas un drame. C'est un truc un peu subsidiaire, mais je veux dire, si on me donne le choix entre mon enfant, il est myope, et mon enfant, il n'est pas myope, je préfère qu'il soit pas myope. Je veux dire, c'est tout simple. C'est pas être adepte des... Oui, mais on saura pas ce qui sera. Enfin, il y a un truc là-dedans de contrôle. Des Ariens aux yeux bleus de Hitler que de dire ça, quoi. Moi, je préférais ne pas Il y a les mêmes erreurs dedans quand même. Pardon ? il y a des mêmes erreurs, hein, la possibilité de contrôle. Fin... Non, mais qui puisse conduire à des choses aberrantes, je veux bien, mais moi, je préférerais ne pas être myope, je préférerais ne pas avoir mal au dos. Et voilà, c'est... Je suis pas du tout, enfin je suis pas d'accord avec le point de vue qui dirait que toutes les espèces sont égales au niveau factuel, au niveau de leurs caractéristiques. Enfin, je sais pas si on regarde un peu. Il n'y a pas de. Pardon. Il n'y a pas de programme espèces, en tout cas. Pour prendre l'exemple des devenir, humains. Pardon. Pour prendre l'exemple des humains au niveau de l'évolution des espèces, a priori on a passé une bonne partie. Depuis les primates jusqu'à aujourd'hui, avant de devenir des super prédateurs, à galérer juste pour la bouffe et la survie dans un monde qui n'était pas vraiment adapté pour des singes voilà, quoi, qui sont dans des plaines. C'était plutôt... on a plutôt vachement souffert a priori. Oui. L'énorme avant de devenir des super prédateurs et d'avoir de la nourriture en suffisant, de manière suffisante. C'était plutôt une galère d'être un humain, Oui, on aurait pu disparaître. Mais l'énorme. Bah oui, mais voilà, la faire disparaître à ce moment-là, alors qu'il y avait un devenir plus heureux, ça aurait juste été con. Il y a un truc là-dedans où on. Non, mais ça c'est le raisonnement. Faut pas faire l'avancement parce qu'il peut y avoir des Mozart qu'on tue, quoi. Je veux dire. Mais non, c'est pas ça. Parce que je veux dire, c'est qu'on est. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas forcément au top de ce qu'il faudrait pour l'environnement dans lequel on vit, quoi. Et que la façon dont on est fabriqué, nous les humains, et puis les chiens, les chats, tout n'importe quel individu, en fait, n'est pas a priori adapté à son environnement, quoi. Il doit le savoir, en fait. Il n'est pas a priori au mieux de ce qu'il pourrait être. Ça n'existe pas, ça. Enfin, pas chez le vivant, je sais pas comment dire. On s'adapte toujours à ce moment-là. Enfin, l'adaptation optimale, ou je sais pas ce que ça peut être. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on dit oui, mais il faudrait pas modifier ou faire disparaître telle espèce, c'est qu'on présuppose qu'en fait, les espèces sont au mieux. Pas du tout. Moi, je présuppose qu'on n'a pas ce pouvoir de modifier, ou qu'on n'y arrivera pas, ou qu'on pourrait faire que n'importe quoi, ce qui n'est pas la même chose. Non, le problème, c'est qu'on a le pouvoir de modifier. On a le pouvoir foutre un sacré bordel, si on veut, et en fait, on le fait. La biodiversité, et puis. Oui, mais on pourrait faire pire. C'est un pouvoir, quoi. Oui. Pour être sûr d'éliminer toutes les substances, il faut faire des collectes. Oui, ouais. La bombe est une bonne solution. Oui. Ouais, puisque finalement, on vit dans un même écosystème sur le Pyrénées, et finalement, on s'octroie toutes les ressources naturelles au titre de l'humanité, mais. Il s'agit pas de faire toutes les autres espèces. Au niveau de la souffrance, on parle souvent de la souffrance. Moi, je suis pas que pour l'élimination de la souffrance. Maintenant, il y a des personnes qui pensent que les souffrances, c'est quelque chose qui doit être éliminé et que ça compte plus que le bonheur de vivre d'une certaine façon. Quoi. Et dans la conclusion, ce serait effectivement qu'il vaudrait mieux qu'il y ait aucun être sensible, puisque tous les êtres sensibles souffre d'une manière ou d'une autre. Mais en tant qu'animaliste, en tant que quelqu'un qui prend au sérieux la sensibilité, pour moi le bonheur de vivre, le plaisir de vivre, c'est aussi important que la souffrance. Et que si on fait disparaître tout le monde, on fait disparaître évidemment aussi le bonheur de vivre. Quoi. Enfin, moi je me bats pour les animaux, pas seulement pour qu'ils arrêtent de souffrir dans les laboratoires et tout ça, mais aussi pour qu'ils soient heureux. Qu'ils soient heureux. Non mais tu plaisantes, mais c'est un vrai problème, putain, une vraie question. Mais typiquement ce que. Oui. Et quand je parle des chats qui souffrent, c'est peut-être moins facile de trouver des exemples encore plus. Mais quand tu prends la souris. Mais puis on pourrait dire le chat il est peut-être moins heureux que tel autre animal et que je trouverais que ce serait mieux de promouvoir tel autre animal. Voire à la limite de promouvoir que l'être humain, si l'être humain s'avère être l'animal le plus heureux, plus capable d'être heureux, je suis pas du tout sûr, hein, ça pourrait être aussi le dauphin ou je sais pas quoi, mais. Ou la crevette. Crevette. Eh bien, dis donc. Tu vas manger? C'est prêt? Ben, moi, il y a un truc qui m'inquiète par rapport à ça, c'est que François, il est là. Oui, mais François, c'est pas lui qui est là. Non, aujourd'hui, il y a des questions. C'est tout frais, mais les terres sont froides, mais la sauce sera cuite. Les trucs qui marinaient hier soir, ça avait l'air bon. C'est ça la sauce. Si on s'en va, il faut qu'on ramasse nos clopes, hein, nos petits mégots là, parce que ça fait pas du bien aux chevaux qui viennent. Hein. Ah ouais. Ben, c'est ça, il dit ça, mais il ne peut pas s'empêcher. Qu'est-ce que t'en sais? La nicotine, elles ont peut-être envie de fumer. Quelle heure il est? Quelqu'un à l'heure précise? 3h? 3h28. Non mais c'est pour marquer mon enregistrement.